Le théâtre où l'on s'amuse. Une production et réalisation de Jean Chouquet et Philippe Soupeau. Jamais encore le théâtre où l'on s'amuse n'avait eu l'occasion de présenter une comédie américaine. Notre choix s'est porté ce soir sur Mon bébé de Miss Margaret Mayo parce que ce vaudeville, qui fut un des plus grands succès parisiens avant la Première Guerre, rappelle parfois le rythme et le comique de Georges Feydeau. Adapté par Maurice Hennequin, ce vaudeville créé en 1913 par Max Derly n'a rien perdu de sa puissance comique et de son mouvement. Et si l'on peut distinguer quelques petites rides, Mon bébé, espérons-nous, fera rire les auditeurs de 1956, comme il fit se tordre les spectateurs de la fin de la Belle Époque. Ce comique n'est peut-être pas profond, mais il est irrésistible et de bon aloi. L'action de Mon bébé, vaudeville en trois actes de Margaret Mayo adaptée par Maurice Hennequin, se déroule à Chicago en 1913, dans l'appartement d'un jeune ménage, M. et Mme William Harrison. C'est Jean Poiret qui sera William Harrison, Jacqueline Porel, Katie Harrison. Les rôles de Jimmy Scott et Maggie Scott, un autre couple ami du jeune ménage, seront tenus par Michel Serrault et Monique Delaroche. John et Zoé, domestiques des Harrison, seront Georges Carmier et Solange Certain. Henri, maître d'hôtel du restaurant Le Savoy, sera José Arthur. Menteuse ! Menteuse ! Menteuse ! Ah non, alors la mesure est comble, là, j'en ai assez, hein. Monsieur a sonné. Descendez ma malle dans ma chambre. La grande malle ou la petite ? La grande et la petite aussi, ainsi que ma valise. Oui. Vous mettrez dedans toutes mes affaires, vous entendez ? Toutes ! Oui, monsieur. Vêtements, linge, chaussures, tout ! Oui. Tous mes objets personnels, tout ! Oui. Je les ferai prendre par le garçon de bureau demain. Oui, allez, dépêchez-vous. Oui, monsieur. Ah oui, ah oui, ah oui, ça j'en ai assez, alors. Mais avant de m'en aller, je saurai la vérité ! Menteuse ! William ! William, mon petit chéri ! William ! Oh, il n'est pas là. Oh. Oh, William, William. Mon Dieu, il est parti, il est parti. Oh, Zoé, où est monsieur? Il vient de sortir, madame. Il ne vous a pas dit où il allait? Non, madame, il est parti en claquant la porte, il avait l'air furieux. Oh, Zoé, Zoé, que je suis malheureuse. Madame. Je suis sûre que dans toute la ville de Chicago, il n'y a pas une femme aussi malheureuse que moi. Oh, madame, madame. Vous aussi, vous avez du chagrin. Oh, pas personnellement, madame, mais je peux pas voir pleurer sans pleurer aussi. Oh, vous avez du cœur, Zoé. Oh, oui, madame. Oui. Zoé, vous avez porté ma lettre chez monsieur Jimmy Scott. Oui, madame. À son bureau, comme madame me l'avait dit. Bien. Mais il n'était pas encore là, on la lui remettra dès qu'il arrivera. Merci, Zoé. Madame n'a plus besoin de moi. Non, Zoé. Alors, je vais aller pleurer à l'office, madame. Oui, Zoé. Oh, et il m'a traitée de menteuse, moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame, c'est monsieur Jimmy Scott. Qu'il entre tout de suite. Par ici, monsieur. Qu'avez-vous, mon enfant? Oh, moi, rien, monsieur Scott, c'est madame. Madame? Oh, ma pauvre Katie. Qu'est-ce que tu as? Assieds-toi, Jimmy. Bah, je ne fais qu'entrer et sortir, j'ai un paiement de $300 à faire à la banque. Bah, tu iras les verser plus tard, la banque ne ferme pas avant 4 heures. Mais soit, enfin, qu'y a-t-il? Tu m'écris, viens vite, j'ai à te parler, je te trouve en larmes. Oh, ce qu'il y a, c'est terrible, Jimmy. Mais quoi? Il m'arrive la chose la plus épouvantable. Tu t'es disputé avec ton mari? Il vient de partir en claquant la porte. Une querelle de ménage. Et qui dure depuis hier soir. Mais à quel sujet, cette fois? Il a découvert que je lui ai menti à propos du déjeuner. Quel déjeuner? Le déjeuner que nous avons fait hier, tous les deux, toi et moi. Et pourquoi lui as-tu menti? Est-ce que je pouvais me douter qu'il savait la vérité? Oh, mais pourquoi là lui as-tu caché la vérité? Je t'ai rencontré hier par hasard à midi en passant devant le Savoy. Tu m'as dit que ton mari déjeunait avec son solliciteur, notre ami Sparkler. Alors, comme tu étais seul et que je ne rentre jamais déjeuner chez moi, je t'ai invité au Savoy. Des amis d'enfance comme nous, ça n'a aucune importance. Et ton mari n'aurait rien trouvé hardi. Non. Oh, tu le connais bien mal. Il est plus défiant et plus jaloux qu'on le croit. D'ailleurs, il trouve toujours à redire, il n'est jamais content. Mais puisque tu le savais, pourquoi as-tu accepté mon invitation? Oh, bah ça m'ennuyait de déjeuner toute seule à la maison. Ah, c'est pour ça. Donc crois-tu que c'est pour avoir le plaisir de déjeuner avec toi? Tu n'es pas si spirituel. Merci. Enfin, c'est très désagréable pour moi, cette affaire-là. Je ne tiens pas à être mêlé à vos querelles de ménage. Naturellement, tu ne penses qu'à toi. Ah, voilà bien les hommes. Bah, William va m'en vouloir. Oh, tu n'as pas besoin d'avoir peur, je ne t'ai pas trahi. Comment? Tu viens de me dire qu'il savait la vérité. Il sait que j'ai déjeuné au Savoy avec quelqu'un, mais il ne sait pas que c'est avec toi. Je ne comprends pas très bien. Oh, c'est curieux comme tu as la compréhension difficile. Écoute, nous n'avions pas quitté le Savoy depuis 5 minutes que mon mari y entrait à son tour. Pour déjeuner avec Sparkler. Ah, mais naturellement, c'était pas pour acheter des timbres-poste. Et Henri, le maître d'hôtel, qui nous connaît mon mari et moi depuis des années, lui a raconté que je venais de sortir en compagnie d'un monsieur avec lequel j'avais déjeuné. Sapristi. Alors si William, en rentrant, m'avait tout de suite interrogé d'un air soupçonneux, je me serais méfiée, bien entendu. Mais non, il était doux comme le miel. Et c'est le soir seulement, au moment de nous coucher, qu'il m'achetait négligemment. À propos, ma chérie, je t'ai téléphoné à 12h30, tu n'étais pas à la maison. Où donc as-tu déjeuné? Moi, je lui ai répondu sur le même ton. Oh, j'avais un tas de courses à faire, mon chéri. À midi, je suis entrée chez un pâtissier, manger 2 sandwichs et un baba avec un petit verre de Porto. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, Jimmy, si tu l'avais vu, si tu l'avais entendu. J'ai eu beau pleurer, lui assurer sur tous les tons que le maître d'hôtel s'était trompé, que j'étais victime d'une ressemblance. Toute la nuit, il m'a martyrisée pour savoir avec qui j'avais déjeuné. Et sais-tu comment il m'a appelée? Ah non, ça, je te le donne en 1000. Comment? Il m'a appelée menteuse. Eh bien, tu n'avais donc pas menti? Certainement, j'ai menti, mais tout de même. M'appeler menteuse? En fait, que j'ai pas agi pour le bien. Il fait des histoires pour si peu de choses, moi j'ai perdu l'habitude de lui dire la vérité. Oui, enfin, toi, naturellement, tu as raconté à ta femme que nous avions déjeuné ensemble. Bah, quand je suis rentrée hier, Maggie avait la migraine, elle était couchée et ce matin, j'ai totalement oublié. Elle ne sait rien, Dieu soit loué. Pourquoi? Que veux-tu faire? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que Maggie ne doit rien savoir. Et moi, je te dis qu'elle saura tout. Quoi? Et dès que je rentrerai, car c'est précisément la seule manière de te tirer d'en bas. C'est justement la seule manière de me compromettre davantage. Maggie est animée des meilleures intentions, mais elle a la manie de se mêler des affaires des autres. Tu sais bien comment ça finit toujours. Ben, je n'ai jamais eu de secret pour ma femme, je ne commencerai pas aujourd'hui. Écoute, Jimmy, tu ne vas pas avoir une crise aiguë de morale juste au moment où j'ai besoin de ton appui. Si mon appui consiste à mentir à Maggie, eh bien non, non, non, et non, et non. D'abord, je mens très mal. Je me trouble tout de suite. Et ça me fait même du tort dans mes affaires. Bon, eh bien, soit, dis-lui la vérité. Mais c'est ce que je ferai. Alors je n'irai. Pourquoi? Parce qu'ayant commencé, je dois continuer. Oh, mais nom d'un chien, Katie, sois donc raisonnable. C'est une chose si simple, si innocente. Raconte tout bonnement la vérité à William avant qu'il soit trop tard. Mais justement, il est trop tard. Si je reconnais aujourd'hui que j'ai menti, à l'avenir, William ne me croira plus. Il prétend qu'une femme qui a menti une fois doit toujours mentir. Il s'imaginera que nous le trompons depuis des années. Tu entends bien, Jimmy? T'as fait une idée des suites que cela aurait pour toi et pour ta femme? Oh non, non, mon cher, il faut que nous maintenions ce que j'ai dit. Et puisque cette affaire est si mal engagée, au moins ne faut-il pas l'aggraver. Écoute, Jimmy, si tu dis à William et à ta femme que nous avons déjeuné ensemble, je jurerai, moi, sur ce que j'ai de plus sacré, que tu me fais la cour, depuis longtemps, oh, et que tu m'as attiré dans ce restaurant comme dans un guet-apens. Mais voyons, Katie. Je le ferai, tu es prévenue. Oh, je crois vraiment que tu es dépourvue de tout sens moral. En tout cas, il y a une chose dont je suis largement pourvue, c'est la malchance. Oh, Jimmy, pourquoi t'ai-je connue? Pourquoi t'ai-je rencontrée hier? Oh, si au moins je m'intéressais à toi, si je t'aimais, je me plaindrais pas. Mais penser que je peux perdre mon William pour un type comme toi. Ah, ben merci. Oh. Oh, quel malheur, quel malheur! Non, mais voyons, Katie, ne te désole pas ainsi, tout finira par s'arranger. Ton mari et toi, vous vous êtes déjà disputés bien souvent, oh, et toujours tu as cru que tout était fini entre vous. Et cette fois aussi, bah, la tempête passera. Oh, Jimmy, ne m'abandonne pas, Jimmy, t'en supplie, m'abandonne pas. Tu es là, toi? Oui, hein, c'est William. Oui. Bonjour, mon cher William. Qu'est-ce que tu fabriques ici d'aussi bonheur? Bah, je l'ai. William, mon petit chéri. Veuillez, je vous prie, me laisser seul avec Jimmy. Alors quoi, tu es toujours fâché? Oui ou non, voulez-vous me laisser? Oh ben oui, oui, je te laisse. Tu vois, Jimmy, comment il me traite. Oh mon Dieu, est-ce que je suis malheureuse? Toujours fâché. Comme je le lui disais en passant, pour aller faire un paiement à la banque, je suis monté prendre de nouveaux nouvelles. Et elle t'a mis au courant? Oui, oui, je regrette sincèrement que vous ayez encore un malentendu. Un malentendu? Tu appelles ça un malentendu? Comment elle a eu l'impudence d'aller au Savoy où tous les maîtres d'hôtel la connaissent et me connaissent déjeuner en tête à tête avec un imbécile? Un imbécile? Quoi? D'abord, tu ne sais pas si c'est un imbécile. Enfin, peu importe. Et puis, elle prétend qu'elle a mangé des sandwichs. Ah oui, et un baba, je sais, oui. Oui, chez un pâtissier. Oui, et puisque le maître d'hôtel l'a reconnu, puisqu'il l'a salué, puisqu'elle lui a répondu d'un petit signe de tête comme ça, elle lui a fait comme ça, Et pour qu'elle en arrive à se compromettre ainsi publiquement dans un restaurant, il faut non seulement qu'elle ait perdu toute retenue, toute dignité, mais qu'elle soit amoureuse folle de cet animal-là. Et tu appelles ça un malentendu, toi? En effet, c'est un peu raide. Ah oui, un peu. Ah ben voyons, ne t'énerve pas, mon vieux. Ah. Toute cette histoire est probablement très, très innocente. Je ne crois pas qu'elle soit follement amoureuse de cet animal-là, comme tu dis. Parle-lui gentiment et confiance. Je suis convaincu que tu apprendras d'elle toute la vérité. Ah, la vérité. Ah, Katie est la vérité. Mais est-ce qu'elle sait seulement ce que c'est que la vérité? Oh. Mais si on la lui montrait au microscope, elle ne la reconnaîtrait même pas, la vérité. Le mensonge est pour elle un élément vital. Elle a besoin de mentir comme une autre a besoin de respirer. Elle est de ces femmes qui mentent même sans nécessité, pour rien, pour l'honneur. Bah pour se faire la langue. Oui, ah oui, ah oui. Oh, j'ai pas été long à m'en rendre compte, va. Quelques jours après notre mariage, elle était assise devant une grande horloge à laquelle je tournais le dos. Et bien, chaque fois que je lui demandais l'heure, ça ne ratait pas. Elle exagérait toujours de 10 minutes en plus ou en moins, uniquement pour ne pas en perdre l'habitude. Et comme je finis par lui en faire la remarque, elle me répondit avec un air de Sainte-Nitouche qu'elle m'avait dit l'heure exacte, que j'en arrivais à douter de mes propres yeux et de mes propres oreilles. Ah, c'est une artiste, Katie, va. Y a pas à dire, c'est une artiste. Oh, une femme qui ne mentirait pas un peu, serait-ce vraiment une femme? Oui, mais un peu et toujours, ça fait deux. Puis j'en ai assez de vivre dans cette éternelle atmosphère de mensonges. Moi, j'en ai assez d'être berné comme un pantin, de travailler toute la journée pour lui acheter des robes, des chapeaux, des bijoux pendant qu'elle court les restaurants avec un gigolo. Un gigolo, tu as des expressions. Si au moins elle me dédommageait d'une façon quelconque de toutes ces misères. Si j'avais un foyer tranquille, si j'avais un foyer agréable. Mais non toujours des querelles, continuellement des querelles. Un enfant. Un enfant aurait peut-être changé tout ça. J'ai toujours eu le plus vif désir d'avoir un bébé, mais... Mais Katie n'en veut pas, elle aime trop sortir, elle aime trop aller au théâtre, dîner en ville, danser le cha-cha-cha, car elle danse le cha-cha-cha. Ah bon? En plus, oui. Elle s'est mise en tête de ne pas avoir d'enfants, elle les a en horreur. Ah bah, j'avoue que moi-même, je ne puisse souffrir la laideur de ces petits mollusques gros et rouges. Ce petit mollusque gros et rouge. Mais n'avons-nous pas été nous-mêmes de ces petits mollusques? Mais oui, mon cher ami, nous avons été des petits mollusques. Et cependant, que sommes-nous devenus? Bah, des mollusques tout aussi rouges, mais beaucoup plus grands. Non, parlons sérieusement, Jimmy. Est-ce que toi et moi, nous ne devrions pas avoir des garçons qui seraient plus tard ce que nous sommes? Mieux, peut-être? Ah bah oui, mieux, tant qu'à faire, beaucoup mieux. Mais en ai-je? En as-tu? En avons-nous? Eh non. Eh non! Naturellement, tu as une femme qui gaspille tout son temps avec la mienne. Moi, j'en ai une qui gaspille le sien avec Dieu sait qui, mais je le rattraperai, celui-là. Fais-moi confiance. Avant une heure, j'espère bien lui mettre la main dessus. Avant une heure, et comment? Grâce à Henri, le maître d'hôtel du Savoy, que j'ai fait payer de venir. Quoi, tu vas aller raconter à un subalterne? Oui, bon, rassure-toi, je ne lui demanderai pas brutalement. Et... Je saurais m'y prendre habilement. Mais si, enfin, si tu apprenais quel est l'imbécile? Je le tuerais comme un chien. Oh, quoi? Les assises? Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas pour les assises. Je n'aurai qu'à raconter mes souffrances aux jurés pour être acquitté. Pourquoi tu es précisément ce pauvre garçon-là alors qu'il y en a tant d'autres? Quoi, qui font la cour à ma femme? Je n'ai pas dit ça. Parce que c'est le seul qui est déjeuné en tête-à-tête avec elle, justement. Enfin, on ne commence pas par tuer les gens. On les laisse se justifier. Se justifier? Mais je ne croirais pas à un mot de ces raconteurs, même si c'était un des 12 apôtres en personne. Mais c'est effrayant. Quoi? Qu'est-ce qui est effrayant? Quoi? Que tu n'aies même pas confiance dans les apôtres. Je suis payé pour être incrédule. Quant à Henri, tu vois cet album? Oui. Il contient les photographies de tous mes amis. Ah. Et comme il est plus que probable que c'est avec un de mes amis qu'elle a déjeuné hier... Oui. Il est joli, cet album. Ah, hein. Oui, très joli, oui. C'est un cadeau de ma tante Elisabeth. Bah, quelle fichue idée elle a eue. Tu dis? Je dis quelle excellente idée a eu la tante Elisabeth de t'offrir ça, oui. Et mon portrait est-il là-dedans? Bah, évidemment, il est là-dedans. Et en bonne place, il est à la première page, tiens. Oh. Tu vois, c'est frappant comme ressemblance. Mais c'est effrayant. Jamais plus je ne retournerai chez ce photographe-là. Je te demande pardon, j'ai une course urgente à faire. Quoi, tu t'en vas? Oui, je te l'ai dit. Un paiement à faire à la banque. Monsieur, il y a là quelqu'un que monsieur attend. Faites entrer. C'est lui. Qui ça, lui? Ben, c'est Henri, le maître d'hôtel. Ah, trop tard. Reste, tu t'en iras après. Oh, je suis perdu. Entrez, Henri, entrez. Monsieur Harrison, monsieur. Monsieur. Il m'a reconnu. Vous êtes fort aimable d'être venu tout de suite. Oh, monsieur Harrison, c'est tout naturel. Je m'excuse même de ne pas m'être trouvé au Savoy tout à l'heure, mais je ne prends mon service qu'à 10 heures. Voici alors... ce dont il s'agit. Mon excellent ami, monsieur Jimmy Scott, a parié avec moi 100 dollars que vous ne reconnaîtriez pas la personne qui déjeunait hier avec madame Harrison. Mais... Ah, j'ai fait une gaffe hier. Oui, mais ne dites rien, je vous en prie. Tenez, monsieur Henri, posez donc votre chapeau là et asseyez-vous. Voici un album avec les portraits de mes amis. Si vous reconnaissez la personne en question, vous toucherez la moitié du pari. 50 dollars si je le reconnais? 50 dollars. 50 dollars. Mais asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Dites-moi 100 dollars, je crois que c'est assez. Verse encore, verse toujours. Ah, ce n'est pas assez. Oui. Non, rien, non. Non, rien, je Harrison, non. Un refrain qui me revient à la mémoire. Avant d'être maître d'hôtel, j'étais choriste. Un verse encore, verse toujours. Oui, un ancien choriste, mais c'est moi qui chante. Mais regardez bien, Henri, regardez. Mais de tous mes yeux, monsieur Harrison, de tous mes yeux. Là. 300. $300? Oh, c'est raide. Eh bien, mon Dieu, monsieur Harrison, j'ai beau regarder, le portrait de la personne qui déjeunait hier avec madame Harrison n'est pas dans cet album. Ah, vraiment, vous êtes sûr? Absolument sûr? Absolument. Tu vois, j'ai gagné. Oui, attends un peu. Et comment était cette personne? Ah, c'est un gros, petit. Oui. Chauve. Oui, bah le contraire de moi, alors l'antipode est... L'air très intelligent. C'est ça, l'antipode. Ah bah non, ça n'est plus l'antipode. Et vous ne pouvez pas me donner d'autres renseignements? Je regrette, monsieur Harrison, mais je ne vois pas... Bon, eh bien, je vous remercie, Henri, voici votre chapeau. Sapristi! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Des banque-notes dans la coiffe de votre chapeau? Eh, oui, je mets toujours mon argent sous la coiffe de mon chapeau à cause des pickpockets. Hein? Seulement la coiffe s'est décousue. Et... Sous la coiffe, singulière idée. Oui, en effet. Oui, enfin, comme je ne veux pas que vous soyez dérangé pour rien... Non, mais je ne me suis pas dérangé pour rien. Oui, ça, il peut le dire. Ah bah, puisque j'ai eu l'honneur de saluer monsieur Harrison. Trop aimable, voici $10. Je remercie vivement monsieur Harrison. Messieurs... Non, pas par là. Par ici. Je vous raccompagne. Bah, dire que s'il y avait sur la terre que des honnêtes gens, je serais perdu. Eh bien, il n'est pas dans l'album de la tante Elisabeth. Allons donc, veux-tu que je te dise, on l'a acheté. On a acheté la tante Elisabeth? On a acheté Henri, il avait une façon de me regarder en souriant. Non, je n'ai pas remarqué. Le misérable lui aura donné de l'argent pour qu'il se taise, c'est clair. Non, allons donc, jamais tu me feras croire ça. Et pourquoi? Pour rien, une idée. Tiens, ces banque-notes qui étaient dans son chapeau, qui sait si ce n'est pas là le prix de son silence? Vraiment, tu as une imagination. Ce qui m'enrage le plus, vois-tu, mon vieux, c'est l'idée de partir sans lui avoir cassé les reins. Oui, et tu parles de partir? Bah, tu penses bien que je resterai pas une heure de plus ici. Autant j'ai adoré Katie, autant je la déteste. J'ai réussi cette fois à la prendre sur le fait, je m'en vais. Une fois seule, elle fera ce qu'elle voudra, elle demandera le divorce, ça m'est égal, ça je m'en fiche. Oh, William. Non, me vois-tu restant à Chicago après cette aventure? Le pouvoir rencontrer un ami, lui serrer la main, enfin, comme ça, pour pouvoir donner une bonne poignée de main à un ami, sans se dire aussitôt c'est peut-être lui, et sans avoir envie de l'étrangler. Oh là. Mais ce sera un supplice au-dessus de mes forces, c'est pas possible. Et où vas-tu? Dans une heure, je roulerai vers San Francisco où je m'embarquerai pour le Chili. De là, j'irai à Buenos Aires, à Rio, enfin, partout où ma maison a des comptoirs. Mon associé restera ici. Et quand reviendras-tu? Quand on l'aura retrouvé. Qui ça? Comment qui ça? Mais l'inconnu qui déjeunait avec Katie, qui ça? Mais puisque le maître d'hôtel ne l'a pas reconnu. Oui, attends, le dernier mot n'est pas dit. Je vais m'adresser à un détective privé. Je lui dirai de n'épargner ni ses peines ni l'argent. Et alors, ça n'est pas encore fini, cette affaire-là. Elle ne sera finie que lorsque j'aurai sa peau. Oui, et à quel détective vas-tu t'adresser? Je vais m'adresser... Mais garde-le pour toi, hein. Promis? Oui, oh bah William, tu penses... Il n'aurait qu'à vouloir l'acheter, il manquerait plus que ça. Ah oui. Je vais m'adresser à Thomas Merrick. Ah! Mais c'est le plus cher de tout Chicago. Je sais, mais c'est le plus habile aussi. Mais il va me ruiner, cet homme-là. Bonjour, William. Ah, c'est vous, Maggie. Tiens. Oh, Katie n'est pas là. Non, elle est dans sa chambre. Oh, je suis furieuse contre elle. Tiens, Jimmy. Oui, c'est moi. Oui, ça doit être moi, oui. Mais que viens-tu faire ici au lieu d'être à ton bureau? Bah, en allant à la banque, je suis montée prendre des nouvelles de nos amis. Et puis voilà. Eh ben, tu es bien fait. Vous disiez donc, ma chère Maggie, que vous étiez furieuse contre Katie. Oh, oui. Tout à l'heure, en sortant, j'ai rencontré notre ami Sparkler, votre avoué. Eh ben, il paraît que vous avez déjeuné avec lui hier au restaurant. Mais pourquoi Katie n'en a-t-elle pas profité pour venir déjeuner avec moi? Elle sait que je déjeune toujours seule. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce que de son côté, elle a déjeuné au restaurant. Avec qui? Avec qui? Eh ben, demandez donc à votre mari, il vous renseignera. Hein? Excusez-moi, j'ai des papiers à mettre dans ma valise. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, bon, la querelle quotidienne avec sa femme. Une querelle à cause de toi? À cause de moi? Qu'est-ce qui te prend? Ai-je l'air d'un monsieur pour qui on se dispute? Oh, tant mieux. Oh, comme on est bête tout de même. N'allais-je pas me figurer que Katie avait déjeuné avec toi hier? Avec moi. C'est drôle, ça. Avec moi, oui. Enfin, puisque nous parlons de déjeuner, j'ai pris la résolution à partir d'aujourd'hui de rentrer tous les jours déjeuner à la maison. Oh, non, vrai? Oui, cette cuisine de restaurant me détraque l'estomac. Et puis, ça finit par coûter très cher. Mais pourquoi cette résolution tout à coup, là, comme ça? Ah, si, j'y tiens absolument, parce que j'aime mieux déjeuner à la maison. Enfin, n'en parlons plus, quoi. Je croyais te faire plaisir. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Jimmy? Tu m'as jamais parlé sur ce ton-là. Tu es malade? Mais non, je viens de te dire que je ne me sentais pas très bien. Je manque d'estomac. Enfin, j'ai mal à l'estomac. J'ai bien le droit, quoi. Mes moyens me le permettent. Oh, mon pauvre chéri, mais en effet, tu es un peu pas lourd. Mais tu sais bien que tu me feras un plaisir énorme en déjeunant tous les jours avec moi, voyons. Allez, je vais rentrer à la maison, dire à la cuisinière de préparer un bon petit repas. Je vais répéter tout à l'heure. C'est ça. Que veux-tu manger pour ton déjeuner? Oh, bah, quelque chose de très léger. Bien. Oui, j'ai une barre, là. Oh, mais c'est vrai qu'il est tout pâle. Ah ben, je ne pense pas que d'ici longtemps, je prenne quelque plaisir, même au meilleur repas. Mais il va falloir que j'achète le détective, maintenant. Mais dis donc, je croyais que tu avais un paiement à faire à la banque. Oh, sapristi, oui, tu fais bien de m'y faire penser. Oui, il faut que j'aille chercher de l'argent au bureau. Oui, j'ai oublié d'en prendre. Tiens. Mais je me sauve, je te verrai à la gare. À quelle heure ton train? À 11h30. Bon. Il a un paiement à faire à la banque et il oublie de prendre de l'argent. Il est vraiment toujours le même. Ah, celui-là, où est-ce que j'ai mis mon chapeau encore? Tiens, William! Quoi? William, tu cherches quelque chose, mon petit chéri? Ah, dis, je ne suis plus le petit chéri, fiche-moi la paix! Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon chapeau? Ton chapeau? Mais je ne sais pas, veux-tu que j'aille voir? Fiche-moi la paix, je te dis! Voyons, mon petit Will. Je ne suis plus le petit Will, je te le répète, fiche-moi la paix! Mais William, Mais, il n'y a pas de mais, William! Mais, toutes ces simagrées sont inutiles! La seule chose que je demande encore au ciel, c'est mon chapeau, mais c'est tout! Mon chapeau, monsieur Massonnet. Oui, où est mon chapeau? Ah ben, mais je ne sais pas, monsieur. Et vous, Zoé? Moi non plus, monsieur. Eh ben, cherchez-le! Oui, monsieur. Bon sang, c'est inouï. Je suis pourtant pas sorti de la tête nue, quoi. Attends, William, attends. Encore, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux avec cette brosse? Je t'en prie, laisse-moi te donner un coup de brosse. Je tiens à ce que tu sois toujours irréprochable et je ne souffrirai pas que tu sortes couvert de poussière. Là. Ouais. Te souviens-tu de l'ardingote que tu avais quand nous nous sommes mariés? Nous n'étions pas riches alors, et ta pauvre dingote devint bientôt si usée, si râpée, que tous les matins je mettais du cirage dessus. Est-ce que nous avons ri? Oui, mais aujourd'hui c'est fini de rire. Jusqu'à présent tu as toujours su m'amadouer avec cette redingote, je te préviens qu'elle est définitivement usée. Oh, William! Quoi encore? Tu as oublié de mettre tes caoutchoucs et il va pleuvoir. Je te prie une fois pour toutes de te mêler de ce qui te regarde. Mais justement, c'est le devoir d'une épouse. Oui, je te conseille de parler de devoir, ça te va bien. Oh, tu m'as fait peur, tu sais, ne crie donc pas si fort, tu vas ameuter toute la maison. Ça m'est égal! Je ne veux plus entendre le son de ta voix et je n'ai qu'offert de tes conseils et de tes prévenances. Non, mais qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que j'ai contre elle? Ah, celle-là alors. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ce que tu m'as fait! Ah, tiens, je préfère m'en aller. Oh, c'est plus commode en effet que de formuler un grief. Dis donc. Oui. Avec qui as-tu déjeuné? Non, c'est toujours à cause de ça. Avec qui as-tu déjeuné? Mais William, je t'ai déjà répété 1000 fois, j'ai déjeuné avec personne. Je suis entrée chez un pâtissier. Avec qui? Et j'ai pris un... Avec qui? Pardon, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai pas trouvé. Mais quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? Quoi? Le chapeau. Quel chapeau? Le chapeau de monsieur. Et c'est pour ça que vous me dérangez. Mais monsieur, je... Fichez-moi la paix, vous aussi. Allez, hop. Bien. Allez. Alors, tu refuses toujours de répondre. Tu t'entêtes dans ton mensonge. Mais William... Soit, très bien. Seulement, tu ne t'étonneras pas si après cette histoire, j'ai résolu de quitter Chicago. Quitter Chicago? Oh, qu'est-ce que tu dis là? Où allons-nous aller? Pas nous. C'est moi seul qui m'en vais, tout seul. William, tu ne feras pas ça. C'est ce que nous verrons. William, tu peux me faire des scènes. Autant que tu voudras à cet endroit. Tu peux même me battre, oui, tiens. Mais tu n'as pas le droit de me quitter. Ah, vraiment? Je ne sais pas où il est, monsieur. Mais quoi? Le chapeau. Mais quel chapeau? Le chapeau de monsieur. Encore? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous avec mon chapeau? Mais mon chéri, tu le lui as demandé tout à l'heure. Ah oui, oui, c'est vrai, ben oui, mais ça va bien maintenant, laissez-nous, allez hop. Alors, je n'ai pas le droit de te quitter, mais toi, par contre, tu as le droit d'aller déjeuner avec le premier crétin venu. Oh, toujours ta sotte jalousie. Mais tu sais bien que je n'ai jamais aimé que toi. Jadis, peut-être, mais aujourd'hui... Aujourd'hui aussi, aujourd'hui plus que jamais. Mensonge, tout ça, non? Et puis, enfin, si réellement j'avais déjeuné au Savoy, où serait le mal? Ah, nous y arrivons. J'ai dit si j'avais déjeuné. Tu n'as jamais déjeuné avec une autre femme, toi, depuis notre mariage? Non, jamais. Vraiment? Oh, voilà, je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Et je te promets de ne jamais recommencer. Tu avoues donc? Uniquement pour t'être agréable. Pour m'être agréable? Oui. Ah, tu en as de bonnes pour m'être agréable. Alors tu t'imagines que c'est agréable pour moi de savoir qu'à peine le dos tourné, tu me ridiculises aux yeux de mes amis? Oh. Ah, ils doivent bien rire de moi, mes amis. Hein? Oh, tes amis, voilà ce qui t'enrage le plus. Ce n'est pas la pensée que ta femme pourrait ne plus t'aimer, non. C'est que tes amis aient pu rire de toi. Ce n'est pas ton amour qui souffre, c'est ton amour propre. Son nom? Son nom? Oh, pour que tu ailles le trouver et donner à cette histoire une importance qu'elle n'a pas. Oh là là, à quoi bon? Tu as raison, garde-le pour toi, son nom. Que je le connaisse ou pas, peu m'importe. Après tout, notre bonheur ne reste pas moins brisé. Oh oui, ça a brisé à jamais, car il n'y a pas entre nous, malheureusement, pour en rassembler les morceaux épars, les petites mains potelées d'un enfant. William. Ah, m'auras-tu assez menti depuis toujours, hein? Que de fois avant notre mariage ne m'as-tu pas dit que tu les aimais, les enfants, parce que tu savais que je les adorais, hein? Dans ce temps-là, tu embrassais dans la rue les plus sales gosses, les plus dépenaillés, pensant me faire plaisir, mais est une fois mariée. William. Tu m'as déclaré froidement que tu les avais en horreur et qu'on devrait les coller dans un coin jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge intéressant, probablement l'âge voulu pour t'accompagner au restaurant, hein. Je t'ai dit ça, moi. Oui, enfin, tout est pour le mieux. Si nous avions un enfant, je me croirais peut-être obligé de continuer cette vie de querelles et de mensonges. Et puisque nous n'en avons pas, nous sommes libres tous les deux. Ah, nous y voilà, c'est ta liberté que tu veux. Eh bien, il fallait le dire tout de suite, parbleu, tu aimes une autre femme. C'est pas vrai. Et tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Bien sûr, c'est vrai. Tu m'aimes toujours. Je n'ai jamais rien dit de pareil. Oh, mon petit chéri. Si tu as encore une étincelle d'amour pour moi, tu ne t'en iras pas. Mais tu ne comprendras donc jamais qu'il y a sur Terre autre chose que ce que tu appelles l'amour, que sans la confiance, sans l'estime réciproque, il n'est pas de bonheur durable et que depuis que nous nous sommes mariés, il ne s'est pas passé un jour sans que mon âme n'ait été froissée. Écoute, William, mon petit William. Pas un jour. Je ne mentirai plus jamais. Non, non, non, non, non, non, je me corrigerai. Toi, tu te corrigeras. Je te le jure. Ah là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça sur ce fauteuil? Ah bah c'est mon chapeau, tiens, c'est toi qui l'avais caché. Quoi? Je l'avais même pas vu. Oh non, je ne mentirai plus jamais, jamais. Et la preuve, tiens, c'est que je vais te dire la vérité tout entière. Ah! La vérité tout entière. La vérité tout entière. Ah, je l'attendais celle-là, la vérité tout entière. William! William! Oui, oh! Parti. Il est parti. Oh! Allô? Allô, donnez-moi City 5386. Et tout de suite, hein, c'est très pressé. Oh, ce que c'est long, mon Dieu, ce que c'est long. Allô, allô? La maison William Harrison et compagnie? Bien, je suis Madame Harrison. Je vous prie de me téléphoner dès que mon mari arrivera au bureau. Et... qu'est-ce que vous dites? Il ne viendra pas? Il a dit qu'il partait à 11h30 pour San Francisco où il doit s'embarquer? Oh! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame, c'est... qu'est-ce qu'il y a, Zoé? C'est moi, Maggie. Maggie. Oh, je vais pleurer comme ça toute la journée. Oh, si tu savais. Oh, je sais, Jimmy m'a tout raconté. Hein, quoi tout? Enfin, que ton mari et toi, vous vous étiez disputés. Que lui as-tu donc fait? Rien. Rien? Absolument rien, et il me quitte. Mais pourquoi s'en va-t-il, alors? Oui, moi, tant que j'ai froid, c'est son âme, enfin, quelque chose comme ça. Joli prétexte pour abandonner sa femme. Oh, mais comment as-tu froissé son âme? J'ai déjeuné avec un monsieur, hier, au Savoy. Et tu appelles ça rien? Oh, si je te disais avec qui? Oh, je voudrais même pas de ce monsieur-là pour cirer mes bottines. Oh, bah c'est égal, ma chérie, tu as été d'une légèreté quant à ce monsieur qui t'a invité. C'est lui le grand coupable, ça, je te l'accorde. Moi, j'avais pas réfléchi, alors j'étais excusable, moi. Et je me suis traînée aux genoux de William. Je lui ai juré que je recommencerai plus. Et sais-tu pourquoi il refuse de me pardonner? Parce que je ne lui ai pas donné d'enfant. Ah oh, oui. Oh. Oui. Oh, ça, c'est un grand grief que ton mari a contre toi. Oh, combien je regrette maintenant. Comme toutes les jeunes femmes, moi, je ne pensais qu'à sortir, à aller au théâtre. Les hommes, ils se sont amusés, eux, alors ils comprennent pas ça. Oh, si c'était à refaire, tous les ans, je m'en donnerais deux. Deux enfants tous les ans? Oui, des jumeaux. Ah bon? Mais maintenant, il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Mais si, puisqu'il est parti, voyons. Ah oui, c'est vrai. On peut pas avoir des enfants comme ça à distance. Bon, en somme, le problème est celui-ci. Trouver le moyen de faire revenir ton mari. Oui, mais comme il faudrait que j'aie un enfant pour qu'il revienne, et comme c'est impossible, le problème est insoluble, il ne reviendra jamais. Et si tu en adoptais un pour le faire revenir? Adopter un enfant? Oh non, je connais William, il tient à faire ses enfants lui-même. Oh, mais inutile de lui dire la vérité tout de suite. Comment? Écoute. Il y a 3 ans, au bain de mer, j'avais pour voisine une jeune femme dont le mari, officier de marine, se désolait de ne pas avoir de bébé. Ah. C'était chez lui une idée fixe, au point qu'il en devint neurasthénique et qu'on craignait pour sa santé. Oui. Alors, sais-tu ce qu'elle fit? Non. Profitant d'un long voyage de son mari, elle se rendit dans une crèche, adopta un nouveau-né, et lorsque son mari revint... Oh, je comprends! Oh, et il ne s'est jamais douté? Non, elle lui a dit la vérité il y a 3 mois quand elle l'a rendu père pour de bon. Oh, ma chère, ton moyen est admirable. Tu me sauves la vie, je vais en adopter un aujourd'hui même. Aujourd'hui, mais tu es folle. Pourquoi? Mais enfin, voyons, réfléchis, ma chérie. Ton mari t'a quitté il y a 10 minutes. Oh, c'est vrai. Oh, il faudra attendre quelques mois. Quelques mois? À ce moment, sa colère aura eu le temps de tomber et un beau jour, tu lui enverras une dépêche. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire si longtemps sans mon petit chéri? Oh, mais tu verras. Le temps passera vite, nous nous occuperons du berceau. Oh, oui, et de la layette. Hein? Oui. Oh, que ça va être amusant. Et tu écriras de temps en temps à William en ayant soin de glisser dans tes lettres certaines allusions pour le préparer à la bonne nouvelle. Oh, bah tu sais, Maggie, je commence à croire que tu mens encore mieux que moi. Oh, c'est pas un mensonge, c'est un subterfuge. Ah oui, oui, c'est juste, ah oui. Oh, du reste, moi, j'ai juré de ne plus jamais mentir. Hein. Oh. Et moi, j'ai jamais menti à Jimmy depuis que je le connais. Comme lui, il m'a toujours dit la vérité. Ah, ah ben, vous êtes bien gentils tous les deux. Oh, mon Dieu, midi moins 10, eh ben, je me sauve. Jimmy déjeune maintenant à la maison, oui. Ah, il trouve que décidément, le restaurant lui brouille. Tiens, tiens. Entre nous, je crois qu'il a pris ce prétexte pour venir me retrouver. Ah, ben, c'est évident, ça. À bientôt, ma chérie, à bientôt. Oh, ben, écoute, souris un peu maintenant. Ah, à la bonne heure. À bientôt. Oh, quelques mois. Le jour, ça ira encore, mais la nuit... Oh là là. Oh, ben, je vais lui écrire sa photographie devant les yeux. Là, voilà. Oh non, je ne mentirai plus. Jamais, jamais, jamais. William, mon petit chéri... Depuis ton départ, je suis un peu souffrante et je t'écris de mon lit. Au cours du deuxième acte, 8 mois plus tard, apparaîtra Maud la blanchisseuse, rôle tenu par Geneviève Morel. Nous sommes dans la chambre de Katie Harrison. Maggie! Eh bien, que dis-tu de ce flot de ruban? Oh, mais écoute, me dérange pas à chaque instant, autrement j'en finirai jamais. Ah oui, oui, pardon, tu as raison, tiens. Oh, allons bon, j'ai encore cassé mon fil. Je le casse tout le temps. Mais pourquoi es-tu si nerveuse? Si tu étais la veille de revoir ton mari après 8 mois de séparation, ne serais-tu pas nerveuse, toi? Oh, voyons, Katie, encore 24 heures de patience. Demain matin, il débarquera à New York et le soir même, il sera ici. Et dire, ma chérie, que c'est à toi que je dois son retour, à ton admirable subterfuge. Oh, c'était le seul moyen de le faire revenir. Le seul. Et il y a aujourd'hui 8 jours que Jimmy lui a télégraphié à Rio. Tu es père d'un gros garçon. La mère et l'enfant se portent bien. Oh, mais que cette aventure te serve de leçon à l'avenir. Oh, rassure-toi. Depuis le départ du petit chéri, je me suis imposé une gymnastique morale. Je ne mens plus, même pour les choses les plus insignifiantes. Oh, au commencement, dame, ça n'a pas été tout seul. Mais aujourd'hui, le plus léger mensonge me fait horreur. Et rien qu'à l'idée que je pourrais mentir à mon mari. Ah, la bonne heure. Quand la directrice de la crèche doit-elle envoyer le bébé? Demain matin. Il pèse 10 livres, tu sais, à 8 jours. Oh, c'est superbe. Oh, Maggie, tu vas sans doute te moquer de moi. Mais depuis que ce berceau est ici, ah, je sais pas ce qui se passe en moi, mais il m'arrive de rester un quart d'heure à le regarder sans rien dire. Je lui souris, je m'attendris. Et je pense qu'il y a dans la vie autre chose que les balles, des dîners en ville, des couturières et surtout que la tcha-tcha-tcha. Eh bien, ma chère, je suis absolument comme toi. Non. C'est la fibre maternelle qui s'éveille enfin. Tu crois? Oh, mais j'en suis sûre. Aussi, sais-tu ce que j'ai déclaré ce matin, Jimmy? Non. Qu'à partir d'aujourd'hui, je voulais avoir un enfant tous les ans. Oh, qu'a-t-il répondu, lui qui déteste ces petits mollusques, comme il dit? Qu'il avait les pieds nickelés. Bah, tu as toute la nuit pour les lui déniqueler. Oh, c'est ce que je me suis dit. Eh bien, la morale de tout ceci, vois-tu, c'est que la première chose qu'on devrait mettre dans une corbeille de mariage, c'est un berceau. Oh, merci, Jimmy. Ah, tu arrives du bureau des nourrices? Oui, j'en arrive, mais permettez-moi de vous dire à toutes les deux que ce n'est pas là une commission qu'on donne à faire à un homme. Oh, Jimmy, pourquoi enfin... Généralement, ce sont les femmes qui choisissent les nourrices. Oh, mais nous n'avons pas le temps de sortir. La layette n'est pas finie, le berceau non plus, et on amènera bébé demain matin. Enfin, en as-tu retenu une? Oui, j'en ai retenu une. Elles étaient 18, dont une Suissesse. Ah. Elles ont toutes voulu me montrer leur réservoir. Ah, plains-toi. Oui, ah oui, des boîtes à lait. Alors j'ai choisi la Suissesse, naturellement. Mais pourquoi naturellement? Bah, j'ai toujours entendu dire que c'était en Suisse qu'on trouvait le meilleur lait. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Mais mon pauvre Jimmy, le lait suisse, c'est à cause des pâturages. Tu confonds avec les vaches. Avec les vaches? Oui. Bah oui, mais c'est ça, moquez-vous de moi maintenant. Non, mon chéri, on ne se moque pas de toi. Tu es un bon petit homme que j'adore. Mais ça, un bon petit homme qui n'a pas encore dîné. Il est près de 9h. Oh, mon pauvre Jimmy. Mais ne te voyons pas arriver à 7h, nous avons pensé que tu dînerais au restaurant. Je ne vais plus au restaurant. Quoi? Même pour une fois? Même pour une fois. Oh, la cuisine du restaurant ne m'y vaut rien, n'est-ce pas, Jimmy? Oui, elle ne me vaut rien, en effet. Ah, c'est pour ça. Bon, ben, je vais dire à Zoé de t'apporter de la viande froide. On ne sonne pas, je vais m'en occuper moi-même. Oh, toute la nuit pour les déniqueler. Tu mangeras moins bien qu'au Savoy. Ah non, je t'en prie. Ne me rappelle pas notre déjeuner, il m'a coûté assez cher. Oh, $4 sans le vin. Oui, mais quel vin? $300 au maître d'hôtel et $500 que le détective a exigé. Non. Bah, je ne voulais lui en donner que 400, mais il m'a répondu que la conscience était hors de prix cette année. Tout augmente. Oh, c'est vrai, j'oubliais les petits suppléments. Elle appelle ça des petits suppléments. $800 pour deux moutons de chope. Dis donc, ça met le mouton à plus de 100 000 francs, ça. Oui, c'est drôle, oui. Moi qui les adorais, les moutons de chope, bah, je ne peux plus les digérer. Rien que d'en parler, j'ai une barre, là. Eh bien, ça t'apprendra à inviter une femme à déjeuner. Bon, ça, tu peux le dire, mais laissons cela. Tu vas me rendre le service de raisonner Maggie. Ah. Figure-toi qu'elle s'est mise en tête d'avoir un petit mollusque annuel. Oui, elle m'en a parlé. J'espère que tu lui as répondu. Qu'elle avait 100 fois raison. Hein? Mais toi qui détestes les enfants. Oh, plus maintenant, Jimmy, j'en raffole, moi aussi. Et comme elle, j'en veux des tas. Mais à moi, cette fois, bien à moi. Qui se pendront après mes jupes, qui crieront du matin au soir, qui casseront tout dans la maison. Oh, par exemple. Mais à la suite de quel miracle? Me regarde. Quoi? Ce berceau? Mais oui, Jimmy, c'est lui qui est cause de tout. Et plus je le regarde, plus je me dis qu'une maison sans berceau n'est qu'une maison vide. Oh, alors c'est cette histoire de gosse qui lui a tourné la tête à elle aussi. Et c'est encore une conséquence de ce sacré déjeuner. Qui sait, peut-être le béniras-tu un jour. Moi? Quand tu seras entouré de tous tes petits mollusques. Oui, oh ben ça, ils ne sont pas encore faits, je te le jure. Ne jure pas, ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, mais je ne suis pas Dieu, moi. Je suis un homme. Oh, tu dois être mort de faim, Jimmy. Ah là là. J'ai failli tomber d'inanition en regardant le réservoir de la Suisse. Oh, mon pauvre chéri. Ben, heureusement qu'il restait une aile de poulet. Là, le berceau est fini. Madame, madame. Quoi? Une dépêche pour madame. Désolée. Il paraît qu'il y a eu du retard dans la transmission à cause d'une violente tempête. Ah. Oh, oh, c'est de William. De William? Oui, la dépêche arrive de New York. Comment, mais il ne devait débarquer que demain. Attends, le bateau n'a pas fait escale à la Veracruz. Avons gagné un jour, serait ce soir dans tes bras. Ce soir? Te couvre de baisers ainsi que mon fils. Ce soir, il sera ici ce soir. Mais malheureux des bébés qu'on amènera que demain. Ah, oh mon Dieu, j'y pensais plus. Et à quelle heure arrive le rapide de New York? Oh, dans un quart d'heure. Oh, nous sommes perdus. Non, ne nous affolons pas. Oh, oui, Dieu, oui, elle a raison, elle a raison. Oh, oui, mais... Ne nous affolons pas. Bon, ben, je vais d'abord manger. Oh. Ah non, il s'agit bien de... Tu vas sauter en taxi et aller chercher le bébé à la crèche. Moi? Ben oui, oui, oui. Ah, ben il faut aussi que j'aille chercher le moutard. Et dépêche-toi, il n'y a pas une seconde à perdre. Tiens, voilà ton chapeau, ton pardessus. En taxi, il ne te faut pas plus de 10 minutes pour aller y revenir. Tu diras à la directrice de la crèche, Miss Pettington. Oui, ben je lui dirai que je n'ai pas encore dîné. Oh, il pense encore à manger quand nous sommes sans enfants. Ah, oh, que le diable l'emporte. Quoi? Tu dis? Et rien, non, rien, je ne dis rien, non. Je vais aller chercher le moutard. Et on veut que j'en ai un tous les ans. Oh, oh. Et maintenant, Maggie, vite, sonne Zoé, veux-tu? Mais pourquoi faire? Et pour qu'elle m'apporte mon manteau et mon chapeau. Mais où veux-tu aller? À la gare chercher William. Oh, j'ai hâte d'être dans ses bras. Mais tu es folle. Tu es censée avoir mis au monde un enfant il y a 8 jours et tu veux sortir? Oh, c'est vrai, j'y pensais plus. Ah, ça, il faut te coucher tout de suite. Oh, oui, oui, tu as raison, j'en ai encore pour 15 jours à rester au lit. Oh, ma chérie, sans toi, quelle gaffe j'aurais commise. Ah, oh là là. C'est pour le coup que William se serait méfié. Oh, ça. Et j'aurais dû me lancer dans une série de mensonges, moi qui en ai perdu l'habitude. À propos, tu as fait la leçon de mes styles. Oui, oui, ce matin même, ils se jetteraient au feu pour moi, tu sais, et puis je les ai augmentés, alors. Oh, ben ça, c'est encore plus sûr. Allez, vite, assieds-toi là, que je te fasse... Bon. Une coiffure de circonstance. Une coiffure de circonstance? Ah, avant les Orlevailles, les petites mamans ont toujours une natte dans le dos. Tu crois? Ah, ça j'en suis sûre. Oh, Maggie, dans un instant, il sera là près de moi. Je pourrais me serrer contre sa poitrine, lui passer les bras autour du cou. Oh, mais je t'en prie, non, mais pas comme ça. Oh, c'est plus fort que moi, j'ai envie de sauter et de danser. Oui, bah tu danseras quand j'aurai fini. Allez, là, ça y est. Ah, montre. Oh! Oh, qu'est-ce que tu m'as fait là? La coiffure de circonstance. Oh, mais c'est horrible. Je ne veux pas que William me revoie avec cette petite queue de cochon. Mais ma chérie, c'est la coiffure des petites mamans. Et puis je t'assure que ça te va très bien. Ouais, j'ai pas l'air trop ridicule. Mais non. Et maintenant, fais-toi une pâleur. Une pâleur? Mais voyons, ma chérie, tu es une convalescente. Ah, oui, c'est juste. Je vais me mettre du gras et de la poudre. Oh, tu es une femme admirable, Maggie, tu penses à tout. Non, ça, il le faut bien, puisque tu ne penses à rien. Comment à rien? Je pense tout le temps au petit chéri, moi. Non. Le berceau est à sa place. Oui, tout est bien en ordre. Regarde, suis-je assez pâle? Oh, mais c'est trop, tu exagères. Alors bon. Là, là, maintenant, n'oublie pas de prendre une toute petite voix. Hein? Ah oui, oui, oui. Oh, j'ai bien souffert, petit chéri. Oh, Maggie, que je suis heureuse. Madame! Oui? Madame, c'est monsieur. Oh, mon oh, Dieu! Tu... Et le bébé qui n'est pas là? Oh, tais-toi. Tais-toi et fais semblant de dormir. Bon, je me couche. Je me couche. Tout doucement, monsieur, tout doucement. Kitty dort. Oh, Maggie, ma chère Maggie. Vous avez fait un bon voyage. Excellent, mais j'ai cru que je n'arriverais jamais. Comment va-t-elle? Oh, aussi bien que possible, William. Et mon fils? Admirablement. Oh, le berceau. Son petit berceau. Oui, oui, oui, oui. Qui est là? Katie, mon trésor, mon petit chéri. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Jimmy? Qu'est-ce qu'il fait donc? Oh, c'est toi, enfin! Mais oui, c'est moi, ma chérie. Mais dites donc comme elle est pâle, hein? Oh, j'ai bien souffert, mon chéri. Oh, mon pauvre amour. Embrasse-moi encore. Oui, mon chéri, oui. Bon, voilà 20 minutes qu'il est parti. Oh, cette bonne Maggie ne m'a pas quittée d'une minute depuis 8 jours. Oh, croyez bien, Maggie, que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Oh, mais vous plaisantez, William. Voyons, c'est tout naturel. Chut. C'est vous? Qu'est-ce qu'il y a, William? Attends, bébé a remué dans son berceau. Attends. William! Oh, William, Dieu. Non! Oh, mon Dieu! Mon fils! Mais le berceau est vide! Mais où est mon fils? Il est sorti. Oui, avec Jimmy. Il est sorti avec Jimmy? Oui, pour prendre l'air. À 9h du soir? Ah oui, c'est la nouvelle mode, petit chéri. Il faut que les enfants soient à l'air le plus souvent possible. Oui, le docteur l'a bien recommandé. Ah, enfin, puisque le docteur l'a recommandé. Ah, oui. Mais pourquoi est-ce Jimmy qui promène bébé et non pas la nourrice? Eh bien, parce qu'elle n'arrivera que demain. Comment, bébé n'a pas encore de nourrice? Si, il y en avait une seulement, son lait a tourné. Oui, ah. Et alors elle est devenue subitement folle. Oh, la pauvre fille. Alors Jimmy s'est offert à sortir bébé. Lui qui a les enfants en horreur. Oh, mais pas le vôtre, William. Il en est fou, oh. Ah bon? Il est joli. Et si intelligent, oh, pour son âge. Ah oui. Tout le monde l'adore. Ah ça, j'ai hâte de le voir. De quel côté est-il allé, Jimmy? Oh, du côté du square, sans doute. Bon, je vais aller à sa rencontre. Oui. Oh, William. Quoi? Tu me quittes déjà? Oh, mais ma chérie, tu dois bien comprendre combien j'ai hâte d'embrasser mon fils. Je reviens tout de suite. Oui. Oh là là! Qu'est-ce que tu as? Oh, ta barbe n'est pas faite, tu m'as piqué mon bras. Oui, mais j'ai pas eu le temps ce matin. Je ne veux pas que tu embrasses ton fils comme ça. Oh, que tu as raison, bébé, elle a poussé tant. Si délicat. Si sensible. Tu le blesserais, le pauvre chéri. Oui, le fait est. Allez, va te raser, petit chéri. Allez, vous raser, William. J'y vais. Il faut pas que sa première entrevue avec son père lui laisse une impression désagréable. Un garçon! J'ai un garçon! Oh, mais que fait-il donc, Jimmy? Que fait-il donc? Peut-être n'a-t-il pas trouvé de taxi. Maggie! Oh, je me recouche! J'ai oublié ma valise. Mais la voici, William, la voici. Bien, elle s'est déjà endormie. Oh, l'émotion et la joie de vous revoir l'ont beaucoup fatiguée. Oh, cette pauvre chérie. Appelez-moi dès que Jimmy sera là. Je vous le promets. Un garçon. J'ai un garçon. Oh, ce Jimmy me fera mourir. Je vais téléphoner à la crèche. Oui, oui. Attention, j'entends marcher. Encore? Bah alors je me recouche. Non, cette fois, c'est dans l'antichambre. Ah, alors je me recouche pas. C'est Jimmy? Oui. Oui, c'est bien lui. Hey, oh, tu y as mis le temps? Mais c'est pas possible, tu t'es amusé en route. Ah oui, je suis bien en train de m'amuser. Chut, ne crie pas si fort, William est là. Il est arrivé? Depuis 10 minutes. Et enfin, qu'est-ce que tu as fait pour rester si longtemps? Bah, on ne voulait pas me le donner. Pourquoi? Bah, il paraît que toutes les formalités ne sont pas remplies. Quelles formalités? La mère n'a pas encore donné son consentement par écrit. On est allé la chercher, mais je n'ai pas voulu attendre. Enfin, bébé est là, nous sommes sauvés. Oh, il dort, le chérubin. Regarde comme il est mignon. Oh, c'est un amour. Un tube digestif. Vite, mettons-le dans son berceau avant que William revienne. Mais qu'est-ce qu'il fait par là? La barbe. Quoi? La barbe. Ah, bah voilà une façon de répondre. La barbe. Dévouez-vous donc. Mais qu'est-ce que tu ronchonnes encore? Non, je ne ronchonne pas, non, je vais manger mon aile. Mais c'est toi qui n'es qu'un tube digestif. Oui, charmant. Madame! C'est la directrice de la crèche, Miss Pettington? Bah, elle apporte sans doute le consentement de la mère. Comment tu lui as dit de la porter ici? Au lieu de le faire envoyer à la maison? Mais moi, je ne lui ai rien dit du tout. Mais c'est bien ce que je te reproche. Et si elle s'était trouvée mariée avec William? Mais je te répète encore une fois. Oh oui, tu n'y as pas pensé, c'est entendu. Le jour où tu penseras quelque chose. Eh bah quoi, qu'est-ce que tu attends? On va le chercher au moins, rends-toi utile. Oh, j'y vais. Oh. On me fait faire les courses, on m'empêche de manger et on me répond la barbe par-dessus le marché, un salaud. Il est très bien dans son berceau. On dirait un petit Jésus. Oh, j'ai hâte d'en avoir un comme ça. Moi aussi. Et moi donc. Vous aussi, c'est vrai? Oh oui, madame, depuis que le berceau est ici, je pense plus qu'à ça. Oh, décidément, les femmes sont toutes les mêmes. Dors, mon chéri, dors gentiment. Je t'aimerai, je te gâterai, je te cajolerai comme si tu étais réellement à moi. Car c'est toi qui auras ramené le bonheur dans la maison. Oh, catastrophe. La mère a changé d'avis, elle refuse son consentement et réclame son marmot. Tu racontes, toi, alors tu l'as le consentement? Le consentement. Chut, William! Donc je me recouche. Jimmy n'est pas encore rentré? Ah bah te voilà, toi! Oh, ce vieux William! Non, mon fils, où est mon fils? Dans son berceau! Oh, ça va être gentil tout à l'heure. Oh, il est super! N'est-ce pas? Oh, il a ouvert ses petits yeux! Il me regarde! Oh oui, il regarde! Il fait une risette! Il fait une risette, et oui! Mais oui, monsieur! Mais oui, mon petit gars, c'est moi ton papa! C'est ton papa, ça! Katie, tu as vu, il a une petite fossette au menton comme moi! Oh, il est très simple! C'est vrai? Oh, mais c'est tout votre portrait, William! Et toi? Hey, Jimmy! Oui! Tu trouves aussi qui me ressemble? Ah bah, mon Dieu, en plus petit. Ah bah naturellement, en plus petit, bien sûr. Et quel nom lui a-t-on donné? Oh, sapristi, j'ai oublié de te demander. Hein? Comment s'appelle-t-il? Ah, Jimmy! Quoi? Jimmy ? Quoi ? Ben, Jimmy ! Ben quoi ? Qu'est-ce que vous voulez tous les trois ? Mais rien ! Voyons, tu sais bien que bébé s'appelle Jimmy ! Hein ? Jimmy ? Ah oui ! Oui, oui, ah oui ! Non, mais je croyais que tu m'appelais. Ah, tu vois, c'est ça l'ennui, on va confondre tout le temps. Tu as eu tort de lui donner ce nom-là. D'abord, il n'est pas joli. Merci. C'est moi qui me suis permis de demander à Kitty. Oui. Oui, bien sûr, enfin, va pour Jimmy. Seulement, entre nous, nous l'appellerons Toto, ce sera plus mignon. Que fera-t-on de vous quand vous serez grand, monsieur Toto ? Dites-moi. Ah, dis-moi, mon petit bonhomme. Un avocat ? Un ingénieur ? Un amiral. Un amiral. Ah, voilà bien les femmes, le prestige de l'uniforme, tout de suite. Tu entends, Jimmy, un amiral? Oui, ou un conducteur de tramway. Ah, mon petit chéri. Oh, William, tu vas le barbouiller de savon. Oui, c'est vrai. Je vais finir de me raser, monsieur Toto, et je vous embrasserai tout à l'heure. Voilà, retournez dans votre berceau. Donnez-le moi. Non, je tiens à coucher moi-même mon fils. Dis donc, Jimmy. Jimmy! Mais, ah oui, c'est moi maintenant, eh bien. Quand feras-tu un comme ça, hein? Comme ça, c'est pas difficile. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira tantôt. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Ouais, bah, elles vont déchanter tout à l'heure. Mon bon Jimmy, excuse-moi de ne pas t'avoir serré la main tout de suite, tu comprends qu'il y a le hâte, j'avais. Bah, oui. Alors, il paraît que tu en es fou. De qui? Comment, de qui? De bébé, parbleu. Ah. Katie et Maggie m'ont dit que tu en étais fou. Ah oui, c'est Katie et Maggie. Oui, j'en suis fou, oui, fou allié. Et tu as bien voulu remplacer la nourrice. Oui, c'est ça, remplacer la nourrice. Moi? Mais oui, pour promener bébé, voyons. Ah oui. Ah bah évidemment, c'est pas pour lui donner le sein, bien sûr. Bien sûr, mais évidemment. Bah oui, qu'est-ce qu'il ferait de mon sein? Il est toujours aussi ahuri, ce Jimmy. Je reviens, hein. Tu ne peux donc pas comprendre à demi-mot. Oh, c'est vrai, ça. Tu restes la bouche bée. Oui, bah, je voudrais bien vous y voir, si vous saviez ce qui arrive. Quoi? La mère ne veut plus rien savoir, elle réclame son marmot. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si on ne l'a pas rapporté à la crèche avant une heure, la directrice viendra le chercher. Oh mon Dieu! Oh, c'est faux. Dis-moi que c'est faux, Jimmy. Non, c'est l'exacte vérité. Mais tu n'as pas dit à Miss Pettington qu'on n'avait pas le droit de revenir sur une chose convenue? Je lui ai dit tout ce qu'on pouvait lui dire. Elle n'y peut rien, la mère n'avait pas signé. Oh. Et au lieu de nous prévenir tout de suite, tu ne nous dis rien. Ah, pouvais-je devant William? Bah, on fait des signes. Parbleu. Des signes. Bah oui, des signes. Tu sais pas ce que c'est que des signes, si, non? Si, je sais. Mais si vous croyez que c'est commode d'exprimer par signe que la mère a refusé de signer... Et non seulement tu nous laisses nous enferrer devant William, mais tu vas lui dire que son fils lui ressemble. Mais c'est vous deux. Oh, cette fois, c'est la fin de tout. Jamais il ne me pardonnera. J'ai plus qu'à me jeter par la fenêtre. Oh, neveu, tu viens de pas dire des choses pareilles. Mais que veux-tu faire, puisqu'on va venir leur prendre? Mais parbleu, nous en procurer un autre. Un autre? Mais William n'est pas aveugle, il s'apercevra qu'on a changé le bébé. Oh, me laisse donc, à cet âge-là, tous les enfants se ressemblent. William n'y verra que du feu, et nous avons une heure devant nous. Elle a raison. Allez, tu vas sauter en taxi. Hein? Quoi, encore? Et tu feras toutes les crèches de la ville jusqu'à ce que tu en trouves un. Mais vous croyez donc qu'elles sont ouvertes toute la nuit comme les boutiques de pharmaciens? Mais on les ouvrira pour un cas aussi exceptionnel. En penses-tu? Si on refuse d'ouvrir, enfonce la porte. Si elle résiste, casse un carreau et entre par la fenêtre. C'est ça, hein, rien, quoi. Sans compter qu'il n'y a pas que dans les crèches qu'on trouve des nouveaux-nés. Ah bah... c'est évident. Sûrement, oui. Ah, vous en avez de bonnes toutes les deux. Non, mais vous me voyez au milieu de la nuit, allant sonner de porte en porte. Pardon, excuse, n'auriez-vous pas un lardon disponible? Jimmy! Enfin, un enfant ne se loue pas à la semaine et au mois comme un fourneau à gaz. Arrange-toi comme tu voudras. C'est toi qui m'as mise dans cette situation, c'est à toi de m'en sortir. Comment, c'est moi? Oui. C'est pas toi qui as télégraphié à William qu'il était père? Oh, bah, les raides! Tu m'as dit, va porter ce télégramme. Allons, oui, allons, ne nous disputons pas. Voilà ton chapeau et ton pardessus. Ah, bah, je m'en souviendrai que celui-là. Mon Dieu, on a sonné. Oh, on vient chercher bébé. Jimmy, va dire qu'on attend à la cuisine, que tu vas t'en procurer un autre. Pardon, madame, on apporte le linge de chez la blanchisseuse. Oh, la blanchisseuse. Ordinairement, on vient le matin, mais tout est sans dessus dessous chez eux. La patronne a mis deux bébés au monde. Deux bébés? Il y a 8 jours. 8 jours? Zoé, prenez le panier et portez-le dans la lingerie. Non, Maude, restez. Votre patronne vient d'avoir 2 bébés. Dame. Deux enfants sont une lourde charge pour un ménage comme le sien. Oh, dame. Pensez-vous qu'elle refuserait si une famille riche lui offrait d'en élever un? Dame. Quoi, dame? Mais elle est idiote. Mais comprenez-vous ce qu'on vous demande? Dame. Accepterait-elle, oui ou non? Dame. Oh, mais ne répondez donc pas tout le temps, dame. Dame. Encore? Bah, vous ne la sortirez pas de son jeu de dame. Oh, ça, il a raison. Allez, tu vas l'emmener. Mais où ça? Mais chez sa patronne. Oh, bah, me montrer dans la rue avec ce numéro-là. Et en taxi, on ne te verra pas. Et ce bébé, c'est la Providence qui nous l'apporte. Bah, si c'est la Providence qui vous l'apporte, inutile que j'aille le chercher. Elle l'amènera bien jusqu'ici. Oh, écoute, voyons, Jimmy, ne fais pas la mauvaise tête. Tu n'en as que pour quelques minutes. Tu n'auras même pas le temps d'y penser. Oh, vous me faites faire tout sans que j'aie le temps d'y penser. Eh bien, cette fois, j'ai le temps d'y penser et je pense que je n'accepte pas. Ah, c'est comme ça. Eh bien, soit, tu auras ma mort sur la conscience. Et moi, non seulement je mourrai de chagrin d'avoir un mari aussi méchant que toi, mais je retournerai chez ma mère et tu ne me verras plus jamais. Oh non, de non, de non, de non, de non. Il accepte. Il soit éloquent. Allez, passez devant. Oh. Mais passez devant. Ah, tu ne vas pas battre cette fille, Jimmy. Ce n'est pas de la battre que j'ai envie, c'est de la tuer. Ah, Jimmy. Ben quoi encore? Comme William pourrait être dans cette chambre quand tu reviendras, attends dehors et siffle pour nous prévenir. Siffler? Oui, tu ne sais pas ce que c'est que siffler. Si, je sais ce que c'est. Bah oui, ça va, je ne sais pas siffler. Tu ne sais pas siffler, mais tu ne sais donc rien faire. Alors, si j'avais pu prévoir, j'aurais pris des leçons. Oui, je enfin, ne sais pas. Imite le cri d'un animal quelconque. Allez. Oh, on ne fait pas l'âne à 9h du soir. Sais-tu faire le chat? Miaou, miaou, miaou, miaou. Ah, bah c'est encore heureux que tu saches faire ça. Bon, alors si William n'est pas dans la chambre, je lèverai le rideau de la fenêtre et tu pourras monter. Alors ne te trompe pas, n'est-ce pas? Si le rideau est levé, tu restes en bas. Non, non, c'est tout le contraire. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Tu ne monteras que lorsque le rideau sera levé. Bien, bon, très bien. Mais il lâche ça dans le panier. Donnez-le à Monsieur Scott. Il faut que je porte aussi le linceul. Mais oui, tu le remettras à la blanchisseuse. Alors, allez, dépêche-toi. Oui, oui, oui, oui. Dis donc, pendant que tu y es, tu n'as rien à porter chez le teinturier. Oh, mais dépêche-toi donc. Et mon aile de poulet qui m'attend toujours. Mais tu mangeras en revenant. Oh, Maggie, pourvu qu'elle accepte. Comment tu es levée? William. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais voir bébé. Veux-tu bien te recoucher tout de suite? C'est de la dernière imprudence. Ah, qu'est-ce que je te disais? Oh, grondez-la, William, elle ne veut jamais m'écouter. Se lever au bout de 8 jours, mais tu n'es pas folle? Si tu veux voir ton fils, je vais te l'apporter, ton non, fils. Non, non, non, il dort. Et le docteur a bien recommandé de ne pas le réveiller. Oh, et moi qui me suis fait la barbe pour pouvoir l'embrasser. Eh bien, tu l'embrasseras demain. Au moins, laissez-moi le regarder. Non, non, non, vous le regarderez demain. Comment vous voulez m'empêcher aussi de le regarder? Oh, mais ce que j'en dis, c'est dans l'intérêt du bébé. Quand un enfant dort, il ne faut jamais s'approcher de son berceau. Ah, le docteur l'a bien recommandé, petit chéri. Maintenant, si vous aimez mieux que bébé tombe malade. Ah non! Bah tiens, malade, mon fils. Et à propos, quel docteur avez-vous appelé pour le mettre au monde? Quel docteur? Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Quel docteur? Eh ben oui! Ah, mais le premier accoucheur de Chicago. Le docteur Spickler? Oui, c'est ça, Spickler. Il est très fort, paraît-il. Oh, c'est d'une habileté extraordinaire. Oh, avec lui, un accouchement, c'est qu'un jeune enfant. Et dire qu'au bureau, je l'ai souvent envoyé à tous les diables. Tu le connais donc? Enfin, je le connais de nom. C'est à cause du téléphone. Nous avons le numéro City 5386. Lui a le 5390. Alors, on se trompait tout le temps. Et à quelle heure doit-il venir demain, ce docteur? Ah, ben il est venu aujourd'hui pour la dernière fois. Comment? Ah oui, ça, il a trouvé que la mère et l'enfant se portaient si bien que ses visites étaient désormais inutiles. C'est égal, j'irai le voir. Ben voilà une idée, pourquoi? D'abord pour le remercier, ensuite pour lui donner des nouvelles de mon fils, c'est ton normal. Ton fils, tu ne penses qu'à ton fils. Serais-tu jalouse par hasard? Dame, un peu, depuis que tu es arrivée, tu ne t'occupes que de lui. Oh, allons. C'est à peine si tu m'as embrassée. Oh, que tu, voyons. Tu ne m'as pas dit une seule fois que tu m'aimais. Est-ce vrai, Maggie? Oh, ça, je n'ai rien entendu de semblable. Là, tu vois. Je t'adore, mon grand amour. Alors prends-moi dans tes bras, serre-moi bien fort contre ta poitrine et répète-le encore. Je t'adore. Et le vilain passé est oublié? Ne parlons plus du passé, ma chérie. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous deux. Oh, mais nous ne sommes plus deux maintenant, petit chéri. Nous sommes trois. Et on ne s'arrêtera pas là, dit. Hein? On lui donnera des petites sœurs et des petits frères. Quoi, tu veux? J'en veux autant que la mère gigogne. Oh, Katie, Katie. Ah oui, pardon, Maggie, je m'excuse. Nous vous laissons à Cara. Il se fait tard, William. Vous devez être fatigué. Oh, c'est vrai, tu as passé toute la journée en chemin de fer. Va te reposer dans ta chambre. Dans ma chambre? Mais pas question, je passerai la nuit sur le canapé. Ah, c'est impossible. Comment ça? Oh, mais c'est moi qui dors sur le canapé pour veiller sur bébé. Oui, alors tu comprends? Oui, bah, Maggie prendra ma chambre. C'est bien à mon tour de veiller mon fils. Oh, Jimmy. Oh, du poulet froid. Bah, ça, c'est une bonne idée que vous avez eue de me faire préparer un souper. Oui, nous avons pensé que tu aurais peut-être faim. Mais on mange si mal dans les wagons-restaurants. Et vous avez pensé juste? Oh, seulement, vous êtes bien mal installé, William. Je vais porter tout ça dans la salle à manger. Mais non, mais non, mais non, mais si, non. Si, tu seras bien mais mieux. Mais non, je vous assure que je suis très bien ici. Oh, il va s'impatienter. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on entend? Il y a donc un chat dans la maison? Oh non, non, pas dans la maison. Oh non, non, c'est quelques chats du quartier qui se promènent sur la gouttière. Oh, c'est un vieux matou. Uh-huh. Et rien qu'à l'entendre, je devine ce qu'il veut, il appelle sa bonne amie. Ah, oh, tu crois? Oh, quand un chat se promène la nuit, c'est qu'il est amoureux, c'est bien connu ça. Seulement, elle vient pas vite, sa bonne amie. Elle flirte peut-être ailleurs. Oh, oh, il se fâche, il est pas content. Ah, ça, est-ce qu'il va miauler comme ça toute la nuit, ce chat? Oh, mais il ne se taira donc pas. Oh, il commence à m'embêter, cet animal-là. Attends un peu, viens. Que voulez-vous faire? Mais je vais l'envoyer miauler ailleurs. Mais comment veux-tu faire? Il est sur la gouttière. Non, non, non, non, il doit être sur le balcon ou il doit être dans la rue et de la fenêtre, je tiens à voir. Non, non, non, ne lève pas le rideau. Mais personne ne peut te voir. William, je t'en prie. Ne le contrarie pas. Bah, c'est intolérable, il va finir par réveiller bébé, enfin. Oh, mon Dieu. Ici, il y a une attaque. lui tordre la contrarie. Katie, mon petit chéri, allons. Katie. Allons, allez vite chercher le flacon de sel, il doit être dans le cabinet de toilette. Mais ça lui prend souvent, ça. Depuis la naissance de bébé, elle est très nerveuse et elle a moindre contrariété. Bon, je vais téléphoner au docteur Spickler de venir immédiatement. Il lui ordonnera un calmant. Non, il est inutile de téléphoner, le docteur est en voyage. Oui, mais on nous indiquera toujours l'adresse de son remplaçant. Allô. Alors, donnez-moi le City 5390. Non, pas 86. Faites attention, mademoiselle, 90. Mais empêche-le donc. Mais comment? Mais est-ce que je sais, moi, trouve quelque chose? Allô, le docteur Spickler? Oh, je vais couper le fil. Allô, c'est vous, docteur? Ah, c'est vous? Ah, vous n'êtes donc pas en voyage? Qui je suis? Je suis le papa. Voilà. Ah bah ça y est, on l'a coupé maintenant. Allô, mademoiselle. Allô, mademoiselle, on l'a coupé. Ah bah il répond pas. Bon bah allez toujours chercher le flacon de sel, je vais ressonner pendant ce temps-là. Oui, c'est ça, faites ça. Et alors, le 53-90, ça ne vous trompez pas. Non. Ah, c'est cette demoiselle du téléphone. Oh, j'ai cru qu'il ne s'en dirait jamais. Oh là là, j'ai le flacon de sel, il ne le trouvera pas. Bon. Demain matin, j'irai chez le docteur Spickler. Oui, madame, sois sage, toi, là. Bah, il était temps. Voilà. Oh, alors elle a accepté? Oui, à la condition de l'élever jusqu'à sa majorité. Sauvée. Je lui donne vite. Bah, vous ne m'entendiez donc pas? Oh, parlons-en, tu as failli tout compromettre. Moi? Bah, naturellement, au lieu de miauler une fois. Mais non, tu vas, comme si tu passais une audition. Du reste, le jour où tu feras quelque chose intelligemment, toi. Merci. Vois. Avais-je raison de dire qu'à cet âge-là, tous les bébés se ressemblent? Allez, garde-le un instant pendant que je vais prendre l'autre. Bah, c'est égal, celui-ci est un peu plus joufflu. Bah, nous dirons demain qu'il a engraissé cette nuit, voilà tout. Tenez, voilà le biberon de la petite. De la petite? C'est une fille? Bah oui, c'est une fille. Tu as apporté une fille? Bah, puisque c'était deux jumelles, je ne pouvais pas apporter un garçon. Oui, tu crois que William ne s'apercevra donc pas que son fils a changé de sexe? Mais tu es idiot! Oh non, ça, c'est trop d'injustice à la fin. Tu me dis, va chercher le bébé de la blanchisseuse. Alors c'est la Providence qui l'envoie, très bien. Est-ce ma faute si la Providence ne sait pas ce qu'elle fait, moi, et s'est trompée de sexe? Chut, mais plus bas. Gardons-la toujours pour cette nuit. Oui, tu as raison. Demain, nous chercherons un garçon. C'est ça. Et c'est encore moi qui devrais me décarcasser pour le trouver. En attendant, va reporter celui-ci à la crèche. Oh, savez-vous bien toutes les deux que je commence? Oui, c'est entendu. Allez, file vite. Je n'ai toujours pas dîné. Ma foi, tant pis, je mangerai mon aile de poulet en route. Oh, quoi? Wow, ça... Oh, on a mangé mon aile. Impossible de trouver le flacon, hein? William. Eh ben, Jimmy, où vas-tu? Nulle part, mais je reviendrai. Qu'est-ce que tu caches là? Où ça? Non, pas là-haut, sous ton pardessus. Qu'est-ce que tu caches? C'est rien. Oh, par exemple. Mais c'est mon fils. Oui. Mais je voulais lui faire prendre un peu l'air. Ah, ça m'était complètement timbré. À 10h du soir, lui faire prendre l'air. Rends-le-moi tout de suite, que je le remette dans son berceau. Je suis perdue. Ah, ça... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'autre. L'autre? Oh, j'y suis. Des jumeaux? Oui! Et vous ne me le disiez pas. Ah, mais c'était une surprise! Deux garçons! J'ai deux garçons! Troisième acte, même décor qu'aux deux, toujours la chambre de Katie Harrison. Quelques instants plus tard, et nous faisons la connaissance de Miss Pettington, directrice de la crèche, rôle que Madame Denise Gray a bien voulu tenir. Le policeman sera Georges Carmier. Oh, qu'est-ce que vous... Oh, regarde-moi ça, ces petits poulets, ces potelets, tout ça. Puis regarde-les, ils ont les yeux fixés sur ta montre. Mais c'est pour tâcher de voir l'heure. Ils tâchent de voir l'heure à leur âge, imbécile. Est-ce que tu peux être bête, mon pauvre Jimmy? Merci. Dis donc, quel nom lui a-t-on donné? À qui? Comment, à qui? Mais à mon second garçon, parbleu, à qui? Oh, bah, demande à ta femme, moi je n'ai pas la mémoire des noms. Quoi, tu te rappelles pas, non? William, il s'appelle William. Ah oui, comme Shakespeare. Ah, comme Shakespeare et comme son papa. C'est une excellente idée de cette façon-là. Après moi, il y aura toujours un William Harrison. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, Jimmy, celui qui m'aurait dit qu'en revenant de Chicago, je trouverais deux garçons. Dont une fille. J'ai envie de les voir tout nus, tiens. À cette heure-ci, tu n'y penses pas? Oh, je suis là. Ils sont emmaillotés pour la nuit. Eh ben, ne t'agite pas, ma chérie, puisqu'ils sont emmaillotés pour la nuit. Allez, vous avez assez joué avec eux, William. Il est grand temps de les coucher. Vous avez raison, Maggie. Où est l'autre berceau? L'autre berceau? Ah, vous l'avez caché pour que je ne le voie pas en arrivant, je vois ça. Non, mon petit chéri, nous ne l'aurons que demain. Comment vous ne l'aurez? Oui, quand nous avons commandé celui-ci, nous ne pouvions pas prévoir que... Ah bah, c'est juste. Et bien sûr, on attendait qu'un héritier, il en est venu de... Ah, les... Elle n'a jamais fait tant de mensonges que depuis qu'elle ne ment plus. En attendant, ils couchent tous les deux dans la chambre d'amis près de moi. Et de cette façon, je ne les perds pas de vue. Allez, donnez-les-moi, William. Non, ma chère Maggie, je vais les porter moi-même. Vous en faites c'est pas. C'est ça, oui. Bon, bah, mettez-les sur le lit, je vous rejoins tout de suite. Dis donc, ma chérie, je ne sais pas si c'est une idée, le petit William est plus lourd que le petit Jimmy. Tu crois? Oui, au moins une livre. C'est égal, mes amis, il va falloir turbiner ferme maintenant que j'ai deux garçons à élever. N'est-ce pas, mes petits gars? Hein? Il va falloir turbiner ferme. Ferme la porte, Maggie. Qui est-ce qui m'a encore étranglé? Ah, tu peux te vanter de nous avoir mis dans de jolis draps. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, rien, va toujours. Tu avais 10 fois le temps de te sauver avec l'enfant. Mais non, monsieur ne pensait qu'à son aile de poulet. Non, je voudrais bien vous y voir si vous n'aviez rien mangé depuis midi. Oh, elle a raison. Tu en prends vraiment à ton aise, Jimmy. Oh, ça pourvu qu'il ait ses aises, que lui importent nos ennuis à nous. Ah, ça c'est vrai, jamais je ne me suis senti plus à mon aise qu'en ce moment. Jimmy! Oh, nom d'un tonnerre! Oh, Jimmy, c'est la première fois que je t'entends jurer. Oui, et ça n'est pas la dernière si ça continue. On a sonné. Oh, cette fois, c'est Miss Whittington. Elle vient chercher le bébé. Maggie, qu'allons-nous faire? Eh bien, rendez-lui son sale moutard et qu'elle aille se faire pendre avec. Tu n'es pas fou, mais William. Bah, il lui restera Mademoiselle William. Maintenant que tu lui as donné le jumeau. C'est moi? Bah, tu vas tout de même pas dire que c'est moi qui l'ai lui donné. Elle a raison. Si tu t'étais sauvé à temps, nous n'en serions pas où nous en sommes. Mais naturellement, je suis l'âne de la femme. Moi, je suis l'âne. Ah, ça pourrait être un âne, tu peux dire que tu l'es. C'est Miss Whittington. Elle est furieuse et dit qu'elle ne sortira pas d'ici sans son bébé. Oh mon Dieu. Il va prier la d'attendre. Oh, oui, qu'elle attende. Bien, madame. Pensez-vous qu'elle va attendre? En pas que l'enfant soit majeur. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il soit majeur, comme tu dis spirituellement, mais que nous en ayons un autre. Comment? Encore un autre? Bah oui. Enfin, crois-tu que je peux fabriquer des enfants à la grosse comme on tire des circulaires à la machine à écrire? Tu en as déjà tiré 2 exemplaires. Et je n'en tirerai pas un troisième. La machine est cassée. Oh, voyons, Jimmy, tu vas pas encore faire la mauvaise tête. Allez, retourne chez la blanchisseuse. Oui, c'est ça. Va chercher son second bébé. Mais ça fera 2 filles. Demain matin, nous trouverons 2 garçons. Ah non, allez donc. Ça n'est plus un garçon, mais 2 qu'il me faudra trouver demain. Non, me voilà avec une chaîne interminable de bébés attachés à mon cou. Et vous croyez que je vais passer ma vie à faire ce métier-là? Ah, mais non. Écoutez, il arrivera ce qu'il arrivera, mais je ne retournerai pas chez la blanchisseuse. Jimmy! Non, non et non! Je suis un âne et vous ne vous doutez pas à quel point un âne s'est têtu! Jimmy, mon cher Jimmy, écoute-moi. Je t'ai froissé tout à l'heure. Je t'en demande pardon. Oh, si tu savais combien je suis affolée à l'idée de perdre le petit chéri! Je n'ai que faire de tes excuses. Au fond, tu n'es pas méchant. Tu as bon cœur. Non. Passez ce temps-là. Nous sommes des amis d'enfance. Enfin, quand nous étions pas plus haut que ça, nous jouions ensemble. Souviens-toi. Ah, parlons-en. Tu me battais tout le temps et tu grattais la confiture de mes tartines. Oh, mais ce sont des choses qui attachent, Jimmy. Oui, pas la confiture. Mon cher petit Jimmy. Non, non, non, non. Inutile de chercher à m'attendrir encore. J'ai cédé une fois à vos supplications, je ne céderai pas de... Jimmy... Non, non, non, non, non, bien n'insiste plus, ma chérie. Puisque rien ne peut l'émouvoir, tant pis, je vais tout avouer à William. Enfin, voilà la première parole sensée que tu prononces depuis ce matin. Et je lui dirai avec qui j'ai déjeuné au Savoy. Et comme il est violent et emporté, il nous tuera sûrement, lui et moi. Oh, la sale bête. Mais que m'importe l'existence, maintenant? Oh, Jimmy, mais pourrais-tu vivre avec 2 cadavres sur la conscience? Oh non, ça, tu as raison, ça, je ne pourrais pas vivre avec ces 2 cadavres-là sur la conscience. Surtout l'un d'eux. Ah, j'étais sûre. Bon. Oh, William, je me recouche, moi. Ah oui, l'engrenage, c'est l'engrenage. Qui donc est en bas? Personne. Non, personne. Comment, on a pas sonné il y a un instant? En fait, tu as entendu sonner, toi, Maggie? Oh, non. Et toi, Jimmy? Oh, si on avait sonné, ça se saurait. Mais tu vois, petit chéri? Ah, par exemple, j'aurais parié. Enfin, les bébés dorment, je vais pouvoir bavarder un peu avec cet excellent Jimmy. Ah, c'est que Jimmy s'en va, justement. Oui, justement, il va. Oui, justement. Oui, mais où vas-tu à cette heure-ci? On va prendre un peu l'air. Encore? Mais tu as déjà pris l'air tout à l'heure avec le petit Toto. Bah, j'ai une bonne santé, mais à la condition de prendre beaucoup d'air, oui. Oui, n'insiste pas, puisqu'il veut s'en aller. Non, oui, mais il prendra l'air tout à l'heure. Tu vas rester ici avec moi et tout en bavardant, nous ferons une partie de domino. Non, hein? Je ne joue plus au domino. Et pourquoi? C'est un vœu que j'ai fait depuis ton départ. Un vœu? Non, mademoiselle, c'est inutile. Ah, et ben j'étais bien sûr qu'on avait sonné. Je ne veux pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Eh bien, c'est la nourrice. La nourrice? Oui, oui. Dont le lait a tourné? Hein? Voyons, Jimmy, tu sais bien pourquoi nous avons dû la renvoyer. Oui, son lait a tourné. Et elle est devenue subitement folle. Oui, son lait a mal tourné. Oh, elle est tout le temps après la sonnette. Et elle s'imagine qu'on lui a ravi un nourrisson. Qu'elle est directrice d'une crèche, enfin, un tas de choses sans suite. Non. Non, au moins on prévient les gens. Laissez-moi passer. Je veux parler à Madame Harrison. Où est le bébé? Rendez-le-moi, tout de suite. Oui, bah, du calme, je vous en prie. Certes, nous avons beaucoup de compassion pour vous, mais vous n'allez pas continuer à venir faire du scandale ici. Du scandale? Je suis la directrice de la crèche. Oui, c'est entendu, oui. C'est pas de ma faute si la mère veut garder son enfant. C'est évident. Elle est complètement folle, hein. Oui, ça, complètement. Où est-il? On va vous le rendre, soyez tranquille, dis donc. Conduis-la dans un asile. Ah, c'est une idée. Vous allez aller avec mon ami, vous allez aller avec Monsieur Scott, qui vous le remettra lui-même. Il n'est donc pas ici? Mais non. Où l'avez-vous emmené? Ah, oh, je vous expliquerai tout ça en route. Venez. Allez. Excusez-moi d'être entrée aussi brusquement. Mais vous êtes toutes excusées. Mais oui. Allons, venez. Je tâcherai de vous trouver un autre enfant que vous puissiez adopter. Adopter un enfant quand on a 2 jumeaux? 2 jumeaux? Mais venez donc. Elle a 2 jumeaux? Mais oui. J'en aurais promené, moi, des demi-montagnes aujourd'hui. Eh ben, j'aurais jamais cru que du lait tourné pût amener de tels désordres dans le cerveau d'une femme. Oh, c'est lamentable. Oh, lamentable. Elle a même oublié que tu avais deux jumeaux. Oui. Oh. Comment s'appelle-t-elle, cette malheureuse? Elle s'appelle Julia. Julia Jink. Julia Jink? Oui, petit chéri. Ah ça, mais qu'est-ce que tu as, que tu es toute pâle? C'est la vue de cette pauvre femme, tu mais, sais. Mais parbleu, bien sûr, de telles émotions sont mauvaises pour toi. Elle est si nerveuse. Mais j'y pense. On ne voudra peut-être pas l'admettre dans un asile sans un ordre du chef de la police. Je cours jusqu'à son bureau. À son bureau? Nous ne serons pas tranquilles tant que cette Julia Jing sera en liberté. Ça. William, je ne veux pas que tu ailles à la police. Et pourquoi? Mais parce que cette femme n'est pas assez intéressante pour que tu t'en occupes. Si son lait a tourné, c'est qu'elle est alcoolique. Tu entends? Mais raison de plus, elle pourrait devenir dangereuse. Et je n'ai pas envie qu'elle revienne encore. Sa vue t'agite, t'énerve et c'est très mauvais pour toi, non? Ce qui est encore plus mauvais pour moi, c'est qu'à peine de retour, tu veuilles tout le temps me quitter. Mais je ne fais qu'aller et revenir. Le bureau est au coin de la rue. Mais empêche-le donc de partir, Maggie. Restez, William. C'est moi qui irai chez le chef de la police. Oh oui, oui, c'est elle qui va y aller. Mais non, votre présence ici est plus utile que la mienne. Calmez-la, Maggie. Je reviens tout de suite. William, hein. Je t'en prie. Mais tout de suite, mon chéri. Je reviens tout de suite. Chez le chef de la police. Oh, cette fois, nous sommes perdus. Ils ont toujours la manie d'ouvrir des enquêtes. Oh, rassure-toi, j'y passerai demain matin. C'est un galant homme, il ne nous trahira pas. Oh, ma chère Maggie, que ne te devrais-je pas? Mais n'agirais-tu pas de même à ma place? Et puis, toute réflexion faite, il vaut encore mieux que William ne soit pas ici quand Jimmy reviendra avec le bébé. Ah oui, oui, oui, c'est juste, c'est juste. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy? Ben oui, c'est moi, oui. Ou du moins, ce qui reste de moi est un parapluie. Jimmy! Oui, elle m'a à moitié assommée. Qui ça? Ben elle, parbleu. Qui ça, elle? Ben, la petite tonne. Arrivée au coin de la rue, je l'ai plantée et j'ai pris mes jambes à mon cou pour aller chez la blanchisseuse. Elle m'a couru après et elle m'a rattrapée. Mais il fallait courir plus vite. Merci, merci, j'y avais pas pensé. Après, oui. Après. Et ben après, elle s'est accrochée à moi, j'ai voulu la repousser, elle m'a cassé son parapluie sur la tête en hurlant. Alors, pour m'en débarrasser, j'ai tapé dessus à coups de poing et nous avons roulé tous les deux dans le ruisseau. Et où est-elle maintenant? Oh, ben elle doit être morte. Morte? Enfin, du moins, je l'espère. Oui, je l'ai laissée inerte dans le ruisseau. Son corps formait un barrage et l'eau a dû la pousser petit à petit jusqu'à une bouche d'égout. Pourvu qu'il ait la bouche assez grande d'égout pour qu'elle puisse passer. Jimmy! Oui, oh ben, on croira à un accident et ça ne fera jamais qu'un crime de plus qui restera impuni. Ça. Et tu n'es pas allée chez la blanchisseuse? Ah ben, pouvais-je me présenter comme ça? On m'aurait mis dehors pour me mettre dedans. Oh, quel homme! Alors je suis revenue en courant et j'ai pris l'escalier de service. Bon ben, écoute, je vais y aller moi-même. Oui, oui, vas-y, oui. Ah, c'est bien ton tour de faire ce métier-là. Dieu, les enfants sont réveillés. Va toujours, je m'en occuperai. Tiens, ah, Maggie. Quoi? Mais une chose très importante. Si tu passes devant un charcutier, hein, apporte-moi du jambon. Oh, il appelle ça une chose importante. Oh. Ah, je n'en connais pas de plus importante, oui. Ça, on ne peut pas vivre sans manger. Oh, quel homme. Ah oui, quel homme. Ah. Quel homme. Quel homme. Ah là là, ça, tu peux le dire. Oh. Hier encore, j'avais dans la fabrication des pneumatiques, hein, un nom honorable, antidérapant et increvable, et tu as fait de moi un assassin. Oh, comme Macbeth. À chaque fois que je me regarderai dans une glace, je verrai Miss Pettington. Oh non, va-t'en, va-t'en, maudite tâche, va-t'en. Tous les parfums de l'Arabie ne parviendraient pas à désinfecter l'étroit espace de cette petite main. Si j'ai fait de toi un assassin, ça ne te coupe toujours pas l'appétit. Je suis un assassin infamé, voilà tout. Et il est une chose, par contre, que je ne ferai jamais de toi, c'est un homme débrouillard et intelligent. Oh là là. Et voilà, c'est à vous dégoûter de tuer les gens. Où est-il? Où est-il? Où est-il, le misérable? Oh, la petite tonne. Oh. La bouche d'égout était trop petite. Vite, dans le lit. Mais où est-il? Mais où est-il? Où est-il? Ah, il m'a échappé des mains. Mais il est entré ici, hein? Ah, madame Harrison, vous pouvez bien vous cacher sous les couvertures. Où est-il, monsieur Scott, hein? Et le bébé? Vous ne voulez pas me répondre? Non? Eh bien, je m'adresserai à la police. Mais par où s'est-il sauvé, le bandit? Oh, c'est lui qui est venu chercher le bébé à la crèche. Il faudra bien qu'il me le rende. Mais où est-il, ce misérable? Où est-il, ce misérable? Parti, enfin. Ah, est-ce que cette femme hystérique va s'attacher à mes pas? Oh, allons bon. Mais elle revient par ici. Où est-il? Oh, non, ça, elle serait capable de soulever les couvertures. Mon bon, bah, cette fois, sous le lit, alors. Oh, il n'est pas dans cette chambre. Il n'est pas dans cette chambre. Madame Harrison, je ne m'en irai pas que vous ne m'ayez dit. Tiens. Elle n'est plus là. Elle s'est sauvée, elle aussi. Mais chez quel genre suis-je donc tombée? Ah, voyons de ce côté. Voyons de ce côté. Il faudra qu'il me le rende. Il faudra qu'il me le rende. J'ai bien fait de descendre d'un étage. Les enfants se sont rendormis. Oui, c'est entendu. Oui. William, je me recouche. Oh, sapristi, vite, sous le lit encore. Eh bien, tu vois, ma chérie, que je ne suis pas resté longtemps. Le chef de la police a téléphoné à l'asile pour annoncer l'arrivée de cette malheureuse et de ce brave Jimmy. Hein? Bah, où est donc Maggie? Maggie, elle est allée jusque chez elle. Pourquoi faire? Chercher du linge de rechange. Elle n'est venue ici qu'avec une valise, n'est-ce pas? Alors, tu comprends, hein? Oui, bien sûr. Oui. Et les enfants sont seuls? Ils dorment. Oh, je vais aller m'installer près d'eux jusqu'à son retour. Ah non, tu vas encore les réveiller. Mais je ferai pas de bruit. Non, William. Mais je t'assure, monsieur. On dirait vraiment que tu fais exprès de me contrarier tout le temps. Moi, oh, tu oublies qu'une femme dans mon état a besoin de grand ménagement. Je finirai par tomber malade. Ah bah non! Cette blague, que deviendraient nos deux mignons si leur petite maman tombait malade, ben, mon vieux? Je vais rester près de toi. Là, tu es contente? Du reste, je suis pas fâchée de me reposer un peu. Tu ne vas pas passer la nuit avec cette chemise-là? Ah bah oui, en fait, tu as raison, oui. Oui, tu vois, je fais tout ce que tu veux. Oh, tout? Je fais tout ce que tu veux, tout, ma chérie, tout. Dors, petite maman, dors. Oh, et cette Maggie qui ne revient pas, mais qu'est-ce qu'elle fait donc, elle aussi? Oh mon Dieu, on a remué sous le lit. Au secours! Au secours! Mais tais-toi donc, c'est moi! Jimmy, c'est Jimmy! Voilà, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? William, leur couche. Eh ben, qu'est-ce que tu as? Moi, mais rien, mon petit chéri. Mais tu viens d'appeler au secours. Oh non, c'est pas moi, c'est dans la rue. Dans la rue? Oui, des ivrognes qui se battaient sans doute. Oh, quel vilain défaut, quelle ivrognerie, William. Oh, quel frayeur j'ai eu, j'aurais juré que c'était ta voix. Non. Ah, pourvu qu'il n'ait pas réveillé les enfants. Oh, s'ils étaient réveillés, ils crieraient. Non, ils dorment. Ah bon? Dis donc, Cathy. Mon chéri. Dis donc, qu'est-ce que nous ferons du second? Quel second? Comment quel second? Ben, William, notre second fils, parbleu. Le premier sera un miracle. Je t'assure, mon chéri, que ce n'est pas l'heure de parler de l'avenir de William. Il est près de 11h et... Oui, tu as raison. Oui, nous en reparlerons demain. Du reste, nous avons du temps devant nous. Je vois déjà le petit tonton commandant un petit cuirassé. Il sera mignon en amiral, hein? Ah, ça, qu'est-ce que tu fais sous le lit? Ah, Christy, que c'est bas de plafond. Mais réponds donc. Mais attends, laisse-moi d'abord sortir. Alors, ça y est. Bon, eh bien. Ah ben, la petite tonne n'était pas morte. Et voilà, elle m'a suivi comme une furie. Elle est ici? Oui. Rassure-toi, elle est partie maintenant. Et tu lui as pas dit qu'on lui rendrait l'enfant dans un instant? Ah bah, parler à cette mégère qui est capable de tout, merci bien. Elle m'a assez abîmée comme ça. Oui, alors tu n'as écouté que ton courage et tu t'es cachée, je te reconnais bien là. Ah oui, toi tu ne serais contente que si tu me voyais en morceaux comme un puzzle. Tu veux dire un puzzle, probablement. Eh bien, dans tous les cas, ce n'est pas moi qui les rassemblerai, tes morceaux. Oui, oh bah tiens, si je ne me retenais pas! Qu'est-ce que tu ferais? Ah, si je ne me retenais pas. Eh bah, va donc! Eh bien, j'irai trouver William et je lui dirai, c'est moi qui déjeunais avec ta femme au Savoy. Tue-moi donc tout de suite si tu veux, mais que ça finisse, j'en ai assez. Oh, je suis bien tranquille, tu n'iras pas. Non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Parce que je suis un galant homme. Et que tu as peur pour ta peau. Et que j'ai peur pour ma peau. Ah. Voilà! Maggie, enfin! J'ai l'enfant, tout va bien. Attends, William est rentré et pour plus de sûreté, je vais l'enfermer. Attends, je ferme à double tour. Oh là là, ce que j'ai couru. Impossible de trouver un taxi. Voilà, vite, donne-le-moi, je vais chercher l'autre. Oh, Maggie, tu n'es pas une amie, tu es une sœur. Oh, pas tant de phrases, allez, dépêche-toi. Oui, sauvés, nous sommes sauvés. Eh bien, Jimmy, tu ne dis rien? Non, je ne dis rien parce que je pense. Oui, j'ai jamais pu faire les deux choses à la fois. Mais, et à quoi penses-tu? Je pense que les gens qui prétendent que le contenant doit être plus grand que le contenu sont des imbéciles. Car si c'était vrai, jamais le cœur d'une femme ne pourrait contenir tant d'ingratitude. Mais qu'est-ce que tu as encore? Moi, oh, je n'ai rien. Oh non, qu'est-ce que tu veux que j'aie grand Dieu? Eh oui, tout ce qui se passe ici est tellement normal et depuis 2 heures, je nage dans un océan de félicité. Ah, voici le petit Jimmy. Oh, j'ai le cœur gros de m'en séparer. Enfin, tiens, prends-le, Jimmy. Merci, t'as un peu pour moi. Tu refuses de le ramener à la crèche? À la crèche, il y avait longtemps. Tu refuses? Non, je ne refuse pas. Non, je vais ramener le moutard à la crèche. Je vais vider le calice jusqu'à la lit. Oh, la crèche, qui veut boire? Vous vous êtes encore disputés, tous les deux? Oh, je l'ai un peu bousculé, voilà tout, mais au fond, je l'aime bien, tu sais, ce brave Jimmy. Ah bon, mais je vais rouvrir la porte, hein, maintenant William peut revenir. Bon, et puis moi, je retourne près des enfants, hein. Oui, alors s'ils se réveillent, promène-les dans tes bras pour les calmer. Oui, je vais faire mon apprentissage de petite maman. C'est ça. Enfin, nous voilà toujours tranquilles jusqu'à demain. Avec qui parlais-tu? Avec Maggie, elle rentre à l'instant et elle est près des enfants. Et Jimmy n'est pas encore de retour? Non, pas encore. Bon, vu que cette Julia Jink n'ait pas essayé de s'échapper en route. Oh, ne parlons plus de cette malheureuse, veux-tu? Oh oui, tu as raison, ça t'agite. Du reste, nous n'avons plus rien à craindre. Si par hasard elle revenait, la maison est surveillée, alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chef de la police a mis un policeman en faction devant la porte. Et si on voulait enlever un de nos chéris... Ah, mon Dieu! Cathy! Un policeman! Il y a un policeman en bas! Pour garder la maison, mon chéri. Mon Dieu! Mais Cathy, mon amour, qu'est-ce que tu as? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Vous aurez beau dire et beau faire, vous me suivrez. Ah! Oh, le maladroit! Mais laissez-moi, monsieur, laissez-moi. Vous ne savez pas qui je suis. Ouais. Je me plaindrai à votre chef. Le policeman est Jimmy. Pardon, excuse la compagnie, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez là? Mais c'est mon fils! Mon fils! Et je vous le rapporte, monsieur. Mais où était-il donc? Où l'avez-vous pris? Dans les bras de cet individu qui se sauvait avec. Tu te sauvais avec mon fils? Mais non, mais non, je ne me sauvais pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Comment je ne sais pas ce que je dis? Mais je sortais tout tranquillement. Vous couriez? Non, monsieur, je sortais tout tranquillement en courant, là. Voilà. Êtes-vous content? Quel sale caractère il a, ce... Ah, ça! Non, mais dites donc, vous! Hein. Oh, dites donc. Je courais donc tout tranquillement. Oui, mais pourquoi faire? Pour lui faire prendre l'air. Encore? William, écoute-moi. Non, non, je t'en prie, Katy, laisse-moi m'expliquer avec Jimmy. Maggie! Ah, ça, tu es donc complètement timbré de lui faire prendre l'air à minuit, enfin, franchement. Et je vais vous expliquer, monsieur le policier. Oui. Figurez-vous que j'ai deux jumeaux. Les voici, oui. William. Ah! Tableau. Sapristi. Mais dites-moi, ils ne sont pas à moi, ces deux-là. Mais pourquoi pas, William? Quoi? Katy? Katy, ils sont à moi? À nous, mon chéri. À nous. Et celui que j'ai dans les bras? Celui-ci? Oh, mais Jimmy, ne vous a-t-on pas dit? Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, moi. Quoi, qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais vous comprenez, William, il fallait vous préparer peu à peu. Me préparer? Oui, et c'est pour ça que nous avons prié Jimmy de s'éloigner avec celui-ci. Ah! Trois! J'en ai trois! Mais oui! Ah! Trois garçons! J'ai trois garçons! Ah, mes compliments, monsieur! C'est travailler pour la patrie! Oh, ma chérie, mon adoré! Et voilà qui me promet encore de l'agrément pour demain. Oh, ma chère Maggie! Moi, je vous embrasse! Tiens, mon bon Jimmy! Oh, tiens, je t'embrasse aussi, mon vieux copain! Oh, tiens, monsieur! Ah non, j'allais vous embrasser, vous aussi! Ah, bah, vous savez, il n'y a pas d'enfant! Trois jumeaux! Mais dites donc, attention, c'est bien tout cette fois! Ah, oui! Non, mais il n'y en a pas un quatrième! Non! Oh, bah, dites donc, trois, hein, c'est déjà une belle portée! Donne-les-moi, Maggie! Oh, mes petits chéris, mes trésors! Et dites-moi, monsieur, alors, il ne faut pas arrêter cet individu? Arrêter Jimmy? Ce brave et excellent Jimmy? Mais arrêtez qui vous voudrez, mais pas moi! Bon! Alors, je peux redescendre? Oui, mon ami, vous pouvez redescendre. Et dites à la cuisine qu'on vous donne un bon verre de whisky. Ah, merci, monsieur. Mesdames, la compagnie. Au revoir. En prison, pourquoi pas électrocuter? Trois garçons. Ah, je voudrais les embrasser tous les trois à la fois. Oh, mais prenez garde, vous allez les étouffer. Oui, vous avez raison, oui. Et puis, trois enfants dans les bras, c'est quand même pas très commode. Tenez, prenez le petit auto, Maggie. Oui. Toi, Jimmy, tu prends William. Oui. Attention, ne le laisse pas tomber. Hein? Non, sois tranquille, ça me connaît maintenant. Je joue les nourrices sèches. Ah, Jimmy, je me rends compte maintenant seulement de tout ce que tu as fait pour nous. Oh, moi, voilà comment je suis. C'est égal, mes amis. Vous avez bien fait de me préparer graduellement. N'est-ce pas? Oh, que de fois j'étais sur le point de crier « William, tu en as trois !» Mais je me suis retenu. Tu es un aigle, Jimmy, comme Napoléon, c'est un aigle. Oh, un aiglon. Et comment s'appelle-t-il, celui-ci? Napoléon. Ah, par exemple, qui a eu cette idée-là? C'est Jimmy. C'est toi? Il paraît. Comment il paraît? Ben, je vais vous dire, William, Jimmy est un admirateur passionné du grand homme et il ne rêve que bataille. Jimmy, un foudre de guerre. Eh ben, tu m'avais jamais dit ça. Oh, tu sais, moi, je n'aime pas me vanter. Mais si tu préfères un autre nom, petit chéri, on peut encore changer. Non, il n'en est pas de plus glorieux. Et puisqu'il s'appelle Napoléon, sa carrière est toute trouvée, il sera général. Allez, mon bébé, en avant-marche. Oh. Eh ben, mais je crois que Napoléon n'est pas content. L'Europe va trembler, toi donc. Je sens quelque chose de mouillé sur ma main. Ah, c'est William, le pauvre mignon. Oui, c'est le mignon, oui. Il a pris ma main pour un lavatorie. Peut-on crier comme ça pour si peu de choses? Oui, c'est toujours peu de choses quand c'est un autre qui est arrosé. Allez, donne-le-moi, Jimmy. Oui, allez dans les bras de Maggie, jouez les grandes eaux de Versailles. Tenez, prenez aussi Napoléon. Et va les recoucher, Maggie. Oui. Oh, et ben, trois bébés, nous voilà bien. Ah, ça, Jimmy, j'avais pas remarqué tes vêtements. Oui, je devais aller à l'opéra. Mais ils sont tous déchirés. Oui, c'est sans doute l'agent. Oui, c'est l'agent, oui. Oui, quand il s'est jeté sur moi en bas, tu sais, ces bougres-là, ils n'y vont pas de ma mort. C'est à croire qu'ils placent leurs économies dans les maisons de confection. Oh, mon pauvre Jimmy, écoute, je t'offrirai un habit neuf. Oui, ben ça, tu pourras. Mais j'y songe. Et cette malheureuse Julia Jink? Julia Jink? Connais pas. Mais c'est la nourrice, voyons, Jimmy. Ah oui, Julia Jink, oui, la nourrice, oui. Je n'ai pas la mémoire des noms. Eh ben, tu l'as conduite à l'asile, est-elle enfermée? Oui, ça y est, elle est enfermée, oui, on lui a même mis la camisole de force. J'ai eu beau fouiller partout. Je vous retrouve. Elle s'est évadée. Bah oui, la camisole a craqué. Je ne m'en irai pas d'ici sans mon nourrisson. Ah, elle commence à m'embêter, celle-là. Hein. Et moi, donc? Vous m'aviez dit que Monsieur Scott devait me le rendre. Savez-vous ce qu'il a fait? Oui, je sais. Et il vous a prouvé une chose pareille? Calmez-vous, je vous en prie. Mon ami Scott s'est en effet conduit avec vous comme un misérable. Et puisque vous voulez absolument votre nourrisson, asseyez-vous, mettez-vous là, je vais le chercher moi-même. Enfin. Non, veille sur elle, je vais faire monter le policeman. Oh, mais Paddington. Je vous en supplie, patientez jusqu'à demain. Non, madame. Mais madame, vous me perdez. J'ai dit à mon mari que vous étiez la nourrice. Une nourrice, moi? Je suis vierge. Mais que vous soyez vierge ou non, ça n'a aucune importance. Aucune. Permettez. Aucune, vous dit-on, aucune. Il croit que l'enfant est de lui. Oui, que votre lait a mal tourné, que vous êtes devenue subitement folle. Qu'est-ce que vous dites? Au nom du ciel, ne me démentez pas. Oh, laissez-vous emmener dans un asile. Dans un asile? Bon, à votre âge et vierge, qu'est-ce que ça peut vous faire? Sinon, il s'en ira pour toujours. Il s'en ira pour toujours et il n'en reviendra plus. William, je me raccroche. Mais ce sont eux qui sont tous fous. Allez, la voilà, cette malheureuse. Elle s'appelle Julia Jing. Allez-y. Julia Jing? Mais pardon, je la connais. C'est Miss Pettington, la directrice de la crèche. Ah. Oh, mon Dieu. Oh, bah ça, comme ça, c'est gagné, alors. Miss Pettington? Oui, monsieur Harrison. Vous n'êtes donc pas la nourrice? Mais non, monsieur, je ne suis ni nourrice ni folle. Mais alors pourquoi m'as-tu dit? Je ne sais pas, moi, demande à Jimmy, tiens. Comment non? Jimmy, ah non, tu ne t'en iras pas, viens ici. Ah mais j'ai demandé à aller, pas mon vieux. Réponds-moi. Oui, ben je ne sais pas moi non plus, demande à Maggie. À Maggie? Madame Harrison voulait adopter un enfant. Monsieur Scott est venu le chercher tout à l'heure à la crèche, mais sa mère le réclame. Hein? William, écoute-moi. Madame, c'est la blanchisseuse. Oh. Je veux parler à Madame Harrison, de la part du patron. L'autre maintenant. Quoi? Quel patron? Quoi? Madame, le mari de la blanchisseuse. Il demande comme ça s'il peut venir tous les jours embrasser ses deux bébés. Quels deux bébés? Madame, ceux qu'il a prêtés à Madame Harrison. Prêtés à ma femme? Alors Jimmy, William et Napoléon? Je les avais empruntés pour te ravoir à moi. Va-t-on me rendre mon nourrisson, oui ou non? Oui, un instant. Conduisez Miss Pettington et cette fille auprès de Madame Scott et priez-la de rendre les enfants. Ah, enfin! Mais je... Allez, et dites à leurs parents que malgré tout, je me charge de leur avenir. Ah, merci, monsieur Harrison. Vous en merci prie. Aussi, monsieur. Pardon, monsieur, faut-il reprendre ma faction? À quoi bon maintenant? Il n'y a plus de bébé dans la maison. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, mais de rien, monsieur, de rien. Dites-moi, monsieur, oui. J'aurais aimé l'arrêter, votre copain. Oui. William. Oui. Oh, mon vieux. Et vous deux? Oui, ah, vous pouvez y aller. Vous deux que je croyais mes amis. Vous vous êtes prêtés à ce mensonge. Et quel mensonge? Le dernier, William. Le dernier, voulez-vous vous taire? Enfin, mettons l'avant-dernier. William, William... Non, toi, écoute... Oh non, toi, va-t'en, ça vaut mieux. Oh, hein. Mais c'est plus la même femme qui est à tes genoux. Non. William, la femme que tu as quittée il y a 8 mois, frivole, légère, qui ne pensait qu'à s'amuser. Oh non. Va-t'en. Et moi aussi, j'aime les enfants maintenant. Moi aussi, j'en veux. Mais pour en avoir, William, il fallait bien trouver le moyen de te faire revenir. Et quand j'en aurais eu à moi, à toi, alors tu m'aurais pardonné. Bon, alors puisque tu ne veux pas d'en aller, c'est moi qui m'en irai, pour ne plus revenir cette fois. William! Et si tu veux un enfant, adresse-toi non à celui qui déjeunait avec toi au Savoy. Adieu! Non, tu ne t'en iras pas. Quoi? Tu ne t'en iras pas. Quoi? Car si tu ne pardonnes pas à ta femme, c'est que tu penses toujours à cet inconnu dont tu voulais la peau. Mêle-toi donc de ce qui te regarde, toi. Eh bien justement, l'imbécile, le gigolo, c'était moi. Toi? Toi? Oui, moi. Et au lieu de te dire tout bonnement la vérité, elle a eu peur que tu la grondes, alors ça a été l'engrenage. Et pour la première fois de ma vie, j'ai menti à Maggie. Jimmy. Jimmy, jure-moi sur la tête de ta femme que c'était bien toi l'imbécile. Oh, ça je te le jure. Mon petit chéri. Eh ben c'est égal. Vous m'avez joué une de ces farces avec mes trois garçons. Ben, hein? Ne les regrette pas trop, Napoléon n'était qu'une fille. Oh. Nous vous rappelons la distribution de Mon bébé, vaudeville en trois actes de Margaret Mayo, adaptée par Maurice Henquin. C'est Jean Poiret qui était William Harrison, Jacqueline Porel, Katie Harrison. Michel Serrault et Monique Delaroche étaient Jimmy Scott et Maggie Scott. Joan et Zoé, les domestiques des Harrison, étaient Georges Carmier et Solange Certain. Georges Carmier tenait également le rôle du policeman à la fin du troisième acte. Henri, le maître d'hôtel du Savoy, était José Arthur. Maude, la blanchisseuse, Geneviève Morel. Enfin, c'était Denise Gray qui tenait le rôle de Miss Pettington. La prise de son était assurée par Albert Laracine. C'est Le théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet.